Ce son, il rend tellement smooth and so. Ah ouais. Elle l'adore. Ah mais franchement, c'est un son qui donne vraiment envie de faire des câlins tout nu, quoi. Enfin, faire l'amour, en fait, finalement. Appelons un chat un chat, on a tous envie de... Ouais, ouais. Ça dépend, bah, des fois je fais des câlins tout nu avec ma mère, mais on fait pas l'amour. Ah non, c'est horrible. C'est okay. Chelou, c'est vrai. C'était Post Malone, en tout cas, hashtag le night show. Réagissez à l'émission, Love in Fun arrive là à partir de 22h. Et c'est qu'il y a un autre moyen de nous contacter, si jamais vous n'êtes pas branché Facebook ou appel téléphonique, ouais. Il y a aussi Instagram. Mm-hmm. On vous lit, hein, on reçoit tous vos MP, et là c'était Warda qui nous a écrit ce matin. Elle nous dit « Coucou, aujourd'hui j'étais à un concours d'équitation. J'ai pris un Sprite, il était périmé depuis le 18 octobre 2018, donc on me l'a remboursé. Mais est-ce que vous avez déjà mangé ou bu des trucs périmés? Sinon continuez comme ça, je trouvais ça très marrant quand même. » Ouais, c'est très mignon, mais surtout qu'il n'y a pas de risque. Hein. Ah mais si, c'est que déjà on lui rembourse, oui bon c'est normal, mais enfin voilà c'est un Sprite quoi, donc je sais pas si... Je sais pas, c'est chelou, on t'en redonne un au pire. Tu vois, ça faire un bon pour un Sprite. Tu vois. Je sais pas s'ils étaient tous périmés. Ouais. Ouais. Bon, après, je crois que tu risques rien sur les boissons comme ça. Je sais pas trop. Faudrait qu'on demande au doc. On va lui demander après. Pablo. Moi, je bossais dans un hôtel un été et je faisais les petits-déj le matin. Et une fois, je remarque que le jambon que je mettais dans le truc, dans le buffet, il était périmé. Ah, oh, je vais voir mon chef, tout ça, et je lui dis, ouais, je suis désolé, le jambon, il est périmé. Je vais le jeter, je vais en prendre un autre. Mais non, tu le laisses et tu le mets par-dessus, il est bon. Mais c'est dégueulasse. Je trouvais ça horrible. Ouais, le jambon, il était même plus rose. Il était un peu bleu et un peu sec, tu sais. Mais mec. Et il me demandait de le mettre au-dessus du tas et puis de mettre le bon jambon en dessous. Comme ça, les gens savaient d'abord du périmé. Il y a bien du jambon blanc. Pourquoi pas du jambon bleu, hein? Ouais, non, mais. Mais c'est hyper dangereux, ça, hein, la viande. Hein. Non, moi, ce que j'adore, en fait, c'est tout ce qui est yaourt, tout ça, on peut manger au-delà de 3 mois et tout. Et les huîtres. Ah bon? Les huîtres, faut pas essayer. Non, les huîtres, tu peux y aller jusqu'à. Ouais, ouais. Tu sais, quand ça sent bien la vase, là, tu peux y aller à fond. Quand tu vas, tu bouffes. Quoi. Pareil pour les meufs. Oh! Allez! Dieu, Pablo! C'est horrible! Mais personne sent la vase en plus, c'est affreux! Oh, bah si, si, si! Oh non! Les gars, il y a Cassim de la Une Fun qui est derrière qui fait si, je te confirme, ça sent la vase. Il connaît la vase. Ouais, alors franchement, moi je dis quand même, faut faire attention avec les produits périmés. On y va mollo. Mais toi, ton Sprite, mon chat, c'est pas grave du tout. On s'en fout. Non, c'est pas grave. C'est comme les yaourts, tu peux les manger quelques jours après. Mais et puis attends, regarde, c'est pas nous qui le disons. C'est la pub, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Alors, est-ce qu'ils nous empoisonnaient alors que sont nos amis pour la vie? Je ne crois pas, madame. Est-ce que parfois vous êtes team, vous laissez s'entasser des trucs périmés dans le frigo par flemme de les jeter? Bah, dans le bureau, on fait ça globalement. Alors, moi, non, pas du tout, non. Moi, parfois, j'ai un peu la flemme. Si, moi je laisse entasser des trucs qui périment dans le frigo, et puis je pisse dans des bouteilles, et puis je les laisse dans tout l'appart. Et des fois je suis sur le mur, et même une fois, et ben je vomis dans ma gueule. Dans ma femme. Alors il dit ça là, il se fout de ma gueule, sauf que c'est quand même le gars qui regarde des vidéos de mecs qui vivent dans la crasse toute la journée, il fait ça. Mecs qui font des trucs horribles, qui laissent des assiettes moisir et qui remangent dedans après. Oui. C'est qui ce gars déjà là? C'est elle. Pueblo, El Pueblo, c'est affreux. Au forum 1825, El Pueblo qui malgré tout, il se fait striker toutes ses chaînes YouTube parce qu'il y a quand même des trucs un peu limites, mais c'est très drôle à regarder. Mais c'est affreux, c'est dégueulasse, ça met des hauts de cœur. Enfin, excusez-moi, chacun fait ce qu'il veut sur YouTube, il en faut pour tous les goûts. Mais non, là non, ça mais c'est me dégueulasse, dégoûte, c'est immonde. Ce mec qui fait des trucs de sucre. De sucre. Ouais, c'est ce qu'il dit tout le temps. D'accord. Il est fan notre. Mais pourquoi il dit ça? Bah parce que c'est un truc, c'est un délire du forum 1825. D'accord. Ouais. On va demander à Doc, puisqu'ils sont en train de s'installer là, juste petit point santé. Loin d'être périmé, cela. Notre auditrice a bu un Sprite périmé de 2-3 semaines, voire un peu plus, un mois, on est d'accord, on s'en fout, il me fait genre, on s'en fout. Complètement, on s'en fiche complètement. Voilà, allez-y. À partir de combien de temps on peut s'inquiéter alors? Bah, c'est simple, hein. Tu l'ouvres, tu goûtes. Et tu vois. Donc si je peux mourir, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Ah, tu goûtes, tu meurs. Non, en fait, tu l'ouvres, tu goûtes et tu croises les doigts. Excusez-moi, vous avez vu ses diplômes ou non. Bon, comment c'était votre Christmas tour hier, l'équipe de Love in Fun, la reine? C'était super. Trop cool. Franchement, on s'est régalé, l'ambiance était géniale, le bar était au top. Non, vraiment. Et vous avez fait la teuf un peu après? Ouais. Alors c'est hier, moi, je me suis. Non, je sais pas si on peut dire ça. Non, parce que ça. Avec Sam, j'ai pas conduit. Non mais ils ont fait toute distribution du shooter et tout machin. Ah en forme Sam. C'est vrai qu'à la fin Sam était plus en forme que moi. Mais on l'a ramené. Hein. Ah mais en tout cas génial. C'est très cool à suivre sur vos réseaux vraiment. Sam, c'est vous qui décidez qui c'est. Hein. Ah bah bien oui. Bien sûr. Ça Sam, ça, le Sam de 20h peut ne plus être le Sam de 21h. Voilà. Exactement. Ouais. En tout cas, Sam doit rester sobre. Voilà, c'est important. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Évidemment. Manger, bouger. Il a bien révisé, lui. 5 fruits et légumes, bien sûr, quotidiennement. Absolument, les filles, bravo. Et ben, nous aussi, on sera avec Sam. Ce sera jeudi soir à Bordeaux. Jeudi, vous êtes à Bordeaux, les filles. Je vous le dis, vous n'êtes pas au courant. Si, si, on est à Bordeaux. T'es sûr? Ah, ça va être énorme. À Jump Arena, il reste, je crois, plus beaucoup de place, mais essayez quand même 2-3. Donc, marion.hensor@funradio.fr si vous voulez venir participer à cette émission. On vous embrasse, les bichons. Bonne émission jusqu'à minuit. Nous, on sera là en direct demain dès 20h et c'est Chris Marquez qui sera notre invité. Oui, yes. Non. Ouais, ça va swinguer. Sur un mambo. Ouais, ouais, moi, moi j'aime bien les tchatchas, quoi. Eh ben, c'est fini. Rien à foutre. Allez, on vous embrasse, bisous. Gros bisous. Au revoir. Tous les soirs, plus de liberté. Love Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love Fun. De 22h à minuit avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Bonsoir à tous, bonsoir les amis. Oui, nous sommes de retour du soleil breton et ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On s'est régalé hier. On remercie encore tous les Rennais, les Rennaises qui sont venus assister à l'émission, qu'on a pu croiser aussi au cours de la journée. Franchement, vous êtes juste magnifiques, les Bretons. On s'est régalé. On est de retour ce soir. Nouvelle soirée avec vous tous. Vous toutes, vous allez d'ores et déjà pouvoir nous appeler au standard 01 42 48 5000. C'est que dans cette émission, on parle de tout. D'ailleurs, quand on discutait avec les auditeurs, c'est ce qu'ils nous disaient. Ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, on peut se lâcher. Il est un petit peu plus tard. C'est vrai que nous, tous les soirs, de 22h à minuit, on fait 2 heures de pure libre antenne avec Doc, bien sûr. Bonsoir, Doc. Bonsoir. Ça va, Doc? Oui, très bien. Bien rentré. Oui, voilà, comme Doc, tout le monde. Doc a fait ses sains et sauf. Oui, bah, absolument. Doc a fait ses consultations aujourd'hui. Voilà. Je rappelle que Doc est médecin, sexologue. Tout à fait. Et que voilà, tu peux permettre à certains auditeurs ou certaines auditrices, bah voilà, entre autres, de prendre davantage de plaisir quand ils font l'amour. C'est un peu le but. Et hein, exactement. Donc, dans la vie d'ailleurs. Bah, et dans de la prendre vie. Du plaisir. Exactement. N'hésitez pas. Hein, franchement, on a un Doc qui est là pour vous. Hein, et on a Alice aussi. Ah, oui. Ah, bonsoir Alice. Bonsoir. Oh, ton petit pull Mickey, il ressort super bien. Super. Alors il est rouge, mais à la caméra il est orange. Parfait, ça me va. Je pense qu'il va faire une balance des couleurs. Hein. Moi, j'ai une tête toute jaune. Et ça va, Alice? Oui, ça va très bien. Pas trop fatiguée? Non, ça va. J'ai passé une bonne soirée. Et j'ai une question à Doc. Est-ce qu'on peut avoir finalement un orgasme, mais sans rapport sexuel? Parce que c'est ce qui m'est arrivé un peu au cours de la soirée hier dans l'hôtel, lorsque j'ai volé tous les gels douche et les shampoings. J'ai eu la sensation d'avoir une sorte de jouissance. Comment s'appelait l'hôtel qui a été dévalisé? Oh non, ne dites pas. On était à quel hôtel hier? Le Nemours. Le Nemours. Écoute. Je vais vous raconter l'histoire, le Nemours, qui avait cherché votre gel douche. Oui. Et alors, Alice a vu que le gel douche de l'hôtel Nemours à Rennes était un gel douche qui a priori est un gel douche assez sympathique. Ah, c'est sympa, c'est du Nuxe. C'est, ah bah voilà, enfin, j'espère que c'était vraiment ce qu'il y avait dedans. Ces trucs que t'as en pharmacie et tout, qui coûtent une blinde. Alors, peut-être qu'ils remplissent les bouteilles. Hein. Bah ouais, c'est j'ai ça. Peur. Donc Alice est allée faire le tour de toutes les chambres, ouais, pour vider tous les Nuxes. Et j'ai rempli l'équivalent d'une petite bouteille d'eau, voilà. Donc tout va bien. Et ben voilà, et en tout cas on sait qu'Alice se lave et ça fait oui, plaisir. Klepto. Bonsoir Kassim le reproducteur. Salut. Ça va? Et dis donc, c'est une petite voix ça. Ah putain, je suis enrhumé de ouf. Oh là là. Ah, et tu t'es tombé malade toi? Je sais pas quand, mais ouais, j'ai dû lécher une chatte pas propre. Oh non. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah hier soir, voilà, une petite auditrice sympa. Mais n'importe quoi. Et le mec, il vient demander sa femme en mariage. Ah oui, c'est vrai, putain. Sa future femme. Ah, j'avais oublié, tu vois. Ah, on oublie vite. Hein. Ah ouais. Tout ce qui se passe à Rennes reste à Rennes. Ah, bien sûr, et Coco et Méloche qui décrochent le standard 01 42 48 5000. Salut les amis. D'ailleurs, on a Pierre qui va nous rejoindre là tout de suite. Il a 19 ans, il est de Reims. Bonsoir Pierre. Salut la famille. Salut mon Pierre. Ce soir, on fera une nouvelle battle. 100 euros de chèque cadeau à dépenser sur le t-shirt Love-Corner.com. C'est le site, bien sûr, hein, pour vous régaler, pour faire voilà, vos achats de Noël avec 100 euros à dépenser. C'est carrément mortel. Et ce soir, d'ailleurs, on se fera un petit blind test de sons. Hein, c'est-à-dire que vous aurez des sons à écouter. On vous fera des propositions. Ce sera à vous de nous dire à quoi correspond ce son. Je peux déjà vous dire qu'on va se marrer. On a passé une bonne partie de l'après-midi à écouter des sons. Et il y en a qui seront trompeurs, hein, je vous le dis. En tout cas, si vous voulez vous inscrire, 01 42 48 5000. Pierre, qu'est-ce que t'aimerais écouter, toi, dans l'émission? Je te pose la question, là, comme ça. Là, moi, j'aime bien le dernier, Alesso. Alesso. You are the remedy. C'est vrai que c'est bien, ça. Putain. Pardon. Ah, mais des fois, je m'enflamme. Ouais, j'ai envie de chanter. Mais n'est pas Jonas Blue qui veut. Jonas Blue ce soir avec Polaroid. Ou Polaroid. Amonos. C'est Chris Cross Amsterdam ce soir dans l'émission. On vous salue, vous tous qui nous écoutez dans la voiture en ce moment, dans le camion aussi, dans la cabine. Je salue tous les routiers. Oui. On a eu un routier qui est venu nous voir aussi hier à Rennes. Il nous disait, ouais, j'aime bien quand tu fais le concours de klaxon dans les 44 tonnes. Ah, j'adore. Ah ben, peut-être qu'on s'en fera un avant la fin de l'émission. Ah oui. Ah ben voilà. Rien que pour faire plaisir à Alice, vous êtes routier, vous écoutez Love in Fun, vous êtes... Ça, c'est mon gros klaxon, les amis. Ça fait marchand de glace, ça, non ? Ouais, un petit peu, ouais. On fera un petit concours avant la fin de l'émission de routier. Venez faire une petite démonstration de votre klaxon. On va donc parler avec toi, Pierre, de ton histoire, là. Qu'est-ce qui t'amène ici sur Fun Radio ? Bah, je voulais vous raconter ma dernière connerie. Ouais, vas-y, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, bah, samedi après-midi, mes parents n'étaient pas à la maison. Ouais, ah. Mon frère non plus. Ah, oh là ! Oh là ! J'ai passé l'après-midi avec ma sœur et j'ai fait l'amour dans le lit de mon frère. Oh, t'as fait l'amour avec ta sœur ? Non. Bah, c'est bizarre, ça. Ah, mais oui, non, mais attends. T'as passé l'après-midi avec ma sœur. C'est ça, t'as passé l'après-midi avec ta sœur. C'est bizarre. Ouais. Avec ma meuf. Ah, avec oui. Ta meuf. Oui, d'accord. T'as dit ta sœur, mec. T'as dit ta sœur, Pierre. Pierre, t'as dit ta sœur. Eh, tu t'es vendu. Hein. Pierre. Beau lapsus. Pierre, non, mais attends, c'est. T'as fait l'amour avec ta sœur ou pas, Pierre? Non. Ouais, non, mais attends, sinon, tu sors tout de suite, hein. Je peux te dire direct. Hein, ok, donc, Pierre, t'étais avec ta copine. C'est ça. Il y avait les parents qui étaient partis, t'étais tranquille, et alors, donc, t'as fait l'amour avec ta chérie. Ouais, dans le lit de mon frère. Et pas changer les draps. Oh, mais t'as pas un lit à toi? Bah si, mais on avait envie de se taper un petit délire, bah on l'a fait dans le lit de mon frère. Ah mais je suis d'accord, c'est vrai que ça dépend des lits. Moi je me souviens que quand j'étais chez moi en Bretagne, j'alternais les lits aussi de temps en temps. Par contre, j'avais la décence de changer les draps. Ça, tu changes les draps quand même. Ah oui, c'est dégueulasse. Ouais. Pourquoi tu les as pas changés? Flemme. Il a quel âge le petit frère? 16. Donc vous avez fait l'amour dans un lit où t'as un petit frère de 16 ans qui se branle tous les soirs, c'est ah ça bah ouais, c'est surtout pour toi. Hein. Ouais. Ouais, pas faux. Ah bah oui, non mais oui. Eh oui, hein. Eh oui, alors du coup, Pierre, tu voulais appeler ton frère pour lui dire, c'est ça? Ouais, pour lui dire. D'accord. Eh ben, mais vous, alors justement, tu sais que il existe une lampe, hein, c'est une lampe ultraviolet, hein, pour voir s'il y a des traces et tout. On en avait eu une, d'ailleurs, je me souviens qu'on avait testé dans les toilettes de Fun Radio. On n'avait pas été au bout de nos surprises. Hein. Surprise, hein. Et c'est pas très catholique dans les toilettes de Fun Radio, je vous le dis. Pierre, on va appeler ton petit frère. Il s'appelle Jean. C'est ça. D'accord. Eh ben, c'est parti. On appelle Jean là tout de suite. Tu vas lui annoncer la bonne nouvelle. Comme ça, je suis persuadé qu'il va fantasmer sur ta copine. Il va se dire qu'elle a, elle a dormi dans son. Allô. Allô. Ouais. Ça va toi? C'est qui? Bah, c'est ton frère. Ah. Pourquoi tu m'appelles en numéro privé? Ouais, je sais pas. C'est mon téléphone qui bug. Ouais. En fait, quoi? Je t'appelle parce que tu vois ce week-end quand t'es parti au foot, quand papa t'a emmené au foot. Ouais. Maman, elle était partie faire les courses aussi. Ah ouais, je crois, ouais. J'ai ramené Marina à la maison et on a baisé dans ton lit. De quoi ? Et j'ai pas changé les draps. Mais qu'est-ce que tu veux, toi ? Mais c'est dégueulasse ! Oui, t'as envie de pute, hein. Non, mais mec, t'es avec ta copine, tu t'es dans mon lit normal. Bah quoi ? Et t'as pas changé les dents en plus. Non. Oh, mais t'es dégueulasse, putain! Enculé, là, je vais aller biffer mon oreiller, là, putain! Non, fais pas ça. Putain, mais t'es sérieux, là? Bah quoi, on avait envie de se taper un délire, On a fini, genre, toi et papa, vous êtes rentrés 5 minutes après, j'ai pas eu le temps de changer les draps, je suis désolé, mais voilà. Ça fait 3 jours que tu dors, bah, là où j'ai fait l'amour avec ma meuf. Oh putain, mais t'es dégueulasse, je te jure, les mais mec. Ah ouais, non, ça se fait pas, ça se fait pas. Ça. Salut Jean. C'est qui ? Salut Jean. Alors Jean, je t'annonce que t'es mon héros pour la vie, hein, parce que toi, t'es le mec qui peut bifler des oreillers. Et ça, je trouve ça mais fantastique, Jean. Jean, t'es en direct sur Fun Radio. Ah ouais. Ah ouais. Salut Jean. Ah ouais, tout de suite tu reprends ton sérieux et tout, hein. Ah mais il est dégueulasse, on est d'accord. Il est dégueulasse. Dégueulasse. J'ai biflé de ton oreiller. Non mais attends, Jean, t'as déjà couché avec une fille toi, Jean? Non. Eh ben voilà. Eh ben tu pourras te dire dans ta tête qu'on a déjà couché avec une fille dans ton lit par contre. Tu vois? Hein? Et c'est alors Pierre, tu recommences plus, hein? Toi, samedi, tu vas. Et alors, moi, je propose effectivement à Jean de bifler les oreillers de Pierre. Ouais. Hein, en signe de vengeance. Bon, ça va, tu le prends pas trop mal. C'est une petite. Hein. Non, mais vas-y, c'est dégueulasse, hein, plutôt. Alors, bah, tu peux aller te branler dans son lit si tu veux. Oui, hein, voilà. Comme ça. Ah, ça. Oui, ouais. Ah, bah, non, voilà. Mais sans aller jusqu'au bout. Ah, bah voilà, les bonnes idées de Doc. Mange-toi. Ah oui, qui veut souiller des oreillers? Ben ah non, pas jusque-là. Ah non, bien sûr. Jean, écoute, voilà, sache-le, il va falloir changer tes draps si tu veux dormir sans avoir les effluves de ton frère, hein, parce que a priori il était en très grande forme. Ça faisait 2 semaines que je l'avais pas vu. Hein. Alors juste pour que Jean puisse imaginer, Pierre, t'as fait quelle position toi avec ta chérie dans le lit de Jean? Disons que je l'ai un peu retourné. D'accord. Okay. Ah bah dis donc. Oh là là, c'est dégueulasse. Ah bah... Jean, on te fait un gros bisou en tout cas. Pierre, tu reviens quand tu veux. Et n'hésite pas à nous rappeler. Alors, tu sais quoi? La prochaine fois, fais ça dans le lit de tes parents. C'est encore plus sympathique. Comme ça, on appellera tes parents. Et là, à mon avis, Enfin, voilà. Hein, ça se passera pas de la même façon, hein, je te le dis. Ok, je vais tester tous les lits, je vous rappelle. Salut mon Pierre. Salut Jean. Salut les frérots. Salut. Ciao, ciao. Et restez bien avec nous. Alors, on va prendre les nouvelles de Lucie. Lucie, t'es là, ma chérie? Oui. Lucie, c'est une auditrice qu'on connaît bien, qui est déjà passée sur l'antenne et qu'on avait déjà aidée ici sur Fun Radio. Tu nous avais appelé parce que tu te mutilais, hein, c'est ça, Lucie? Oui. On t'avait donné plein de conseils et ça allait beaucoup mieux. On t'avait eu au téléphone en antenne, hein. Souvent on le fait, on vous appelle en antenne, voilà. Et vous repassez à l'antenne que quand, voilà, vous avez un truc à dire. Et là, Lucie, j'ai entendu dire que t'avais un petit peu rechuté. Ouais. Bon, bah, on va t'aider de nouveau, d'accord? D'accord. Hein, tu t'es mutilé encore une nouvelle fois là, c'est ça? Oui. Ok. Eh ben tu bouges pas. On t'aide dans un instant. On va faire aussi la battle ce soir. On va se marrer avec des sons à reconnaître. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone si vous voulez participer. Et on va écouter Black Coffee sur Fun Radio. À tout de suite. Suivez Love in Fun en stream vidéo sur funradio.fr. Le calendrier de l'Avent est de retour sur Fun Radio. Tous les jours, inscrivez-vous en envoyant le mot Noël par SMS au 74 900 pour tenter de gagner des PS4, des séjours à Avoria 1800 pour le réveillon, des Nintendo Switch et plein d'autres surprises. C'est gagné, bravo! C'est déjà Noël. Merry Christmas! Avec le calendrier de l'Avent Fun Radio. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Les défis Soch. Imaginez un chant de Noël. Je suis passé chez Soch. Une superbe promo se cache dans ses cadeaux. Hey, en chaussons, dans ce salon, célèbre en chanson, en chanson, en chanson. Jusqu'au 17 décembre, 9h, profitez du forfait 50 Go à 9,99€ par mois pendant 12 mois, puis 24,99€ par mois sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Rapport ARCEP 2018. Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99€ par mois. Détails sur Soch.fr. Soch! Party Fun Live. Vivez le Party Fun Live depuis Avoria 1800 en direct sur Fun Radio. Party! 22h. Fêtez le réveillon en plein cœur de la station sur les mix de Matt et Azlov. Salut, c'est Azlov. Fun Radio, c'est ma radio. Party Fun Live. Depuis Avoria 1800, c'est sur Fun Radio. Plus d'infos sur avoria.com et funradio.fr. Avoria 1800, l'une des plus féeriques stations d'Europe. 100% piétonne, 100% fun, en plein cœur du domaine des Portes du Soleil. Restez connectés avec la famille Fun Radio. Appelez Karel, Alice et Doc. 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Merci beaucoup d'être avec nous. On passe la soirée ensemble tous les soirs, du dimanche au jeudi, de 22h à minuit. Tout à l'heure, on se posera une question. Est-ce qu'on vous a déjà quitté pour quelqu'un du sexe opposé? Oh là là. Vous êtes, ah ouais, ça s'est arrivé, Coco du Standard. Je t'entends réagir. C'est là. Pour ça, ouais. Hein? Ah oui, ça m'est arrivé une fois. Ah, et alors? On en parlera tout à l'heure. Ok, oh putain. Ça y est, il fait des teasings. Oula, il est pas content là. Dans un instant, vous saurez comment a réagi Coco. Hein, et tu penses que tout le monde a envie de savoir Coco là? Après la pub. Après la... Non, non, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de pub là. Non, non, pas du tout, au contraire. On est très heureux de retrouver Lucie. Lucie qui est avec nous. Ça va ma Lucie? Oui. Alors Lucie, je me souviens terriblement bien de toi parce que c'était un témoignage assez lourd. Hein. Je rappelle que tu as 13 ans, Lucie. Et d'ailleurs, on avait été étonné par ta façon d'être à l'antenne. Voilà, on sentait que tu avais déjà beaucoup vécu de choses et que dans ta manière de parler, t'étais peut-être plus âgé encore, plus mature. Et Lucie, tu nous avais parlé d'une difficulté que tu avais. Hein, et je crois que là, ça va pas beaucoup mieux. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi tu nous avais appelé la toute première fois, Lucie ? Alors, la première fois, je vous avais appelé parce que au Bahut, mon surnom, c'était la salope. Ouais, c'était exactement ça. Et on va réécouter d'ailleurs hein, ton témoignage. Et d'ailleurs, suite à ça et ce qui s'était passé, tu te mutilais. Et là, t'as rechuté. Donc, on va de nouveau t'aider. Écoutez ce qui s'était passé avec Lucie à l'antenne. Pourquoi aujourd'hui, ton surnom à l'école, tu peux nous le dire ? C'est la pute. C'est la pute. Oh, la salope... La pute, la salope. Alors, bienvenue Lucie. Salut. Ici, tu seras toujours Lucie. T'as 13 ans, t'es à Lyon. Dans ton bahut, on t'appelle la pute, la salope. Qu'est-ce qui se passe, Lucie ? T'as bien fait de nous appeler. Alors, pendant les vacances, je me suis remise en quelque sorte en couple avec un garçon avec qui j'étais déjà sortie l'année dernière. Ouais. Et un jour, il m'a invité chez lui et tout ça. Donc, il y avait un autre de ses potes qui était un ami à moi et avec sa copine lui aussi. Mmh. Et il me prend à part pour me parler. Il me dit, il faut que je te parle et tout ça. Et il me dit, j'aimerais bien faire ma première fois aujourd'hui avec toi. Je fais, non, je veux pas. J'ai 13 ans. Je vais pas le faire maintenant. Grave. T'as bien fait déjà de réagir comme ça. Du coup, après j'ai rejoint ses potes, enfin son pote et sa copine et tout. On est allé chez lui et puis il m'a dit viens, je vais te faire visiter ma maison et tout ça. Je lui fais vas-y si tu veux. Donc comme son pote il la connaissait déjà sa maison, ils sont restés en bas avec sa copine. Donc il m'a fait visiter tout ça et au bout d'un moment il m'a isolé dans une pièce et il m'a dit faut que je te parle et tout ça. Et il a essayé de me toucher et tout ça. Moi je lui dis non dégage, je t'ai dit non, c'est non. Donc il y a juste une main en fait que j'ai pas réussi à éviter, donc du coup il m'a touché une fois. Donc il t'a agressé sexuellement quoi? Il t'a fait quoi? Et il m'a juste touché en fait comme ça, mais touché quoi? Les fesses. Par-dessus ton pantalon ou quoi que ce soit? Oui. Okay. Ouais, après il m'a retenu, il m'a dit non mais reste, on s'amuse. Je lui ai fait non, on s'amuse pas. Moi je t'ai dit non, c'est non, je veux pas le faire maintenant. Laisse-moi tranquille. Donc du coup après j'ai appelé mon père et il est venu me chercher. T'as dit quoi à ton père? Tu lui as dit Je lui ai dit qu'il fallait qu'il vienne me chercher parce que l'après-midi était terminé et puis voilà, je lui ai pas expliqué ce qui s'était passé. OK. Parce que j'ai des problèmes, enfin c'est juste que j'arrivais pas à parler à mes parents, en ce moment j'arrive pas à parler à mes parents, que ce soit à mon père ou à ma mère, donc je pouvais pas lui en parler, c'était trop difficile. Du coup j'ai envoyé un message à une fille qui était dans ma classe en 5e. Et je lui ai dit en fait il s'est passé un truc, c'est que ce garçon il m'a touchée et tout ça, et 10 minutes après elle m'envoie un message en me disant mais il m'a demandé de sortir avec lui. Donc moi j'ai dit tu dis non parce que ça se trouve il va vouloir refaire ce qu'il a fait avec moi. Ouais. Et après du coup j'en ai parlé à Arsène et ce lundi il s'est passé une histoire avec un garçon qui a lui aussi voulu me toucher. Donc en fait j'étais à l'infirmerie et tout ça, il m'attendait derrière la porte et il m'a dit est-ce que je peux te parler, est-ce que je peux te toucher et tout ça. Mais c'est quoi ce délire? Je sais pas, après ils se sont passés le mot. Il m'a demandé. Entre eux. Et du coup moi j'ai dit non, t'es toujours pas au courant qu'il y a des caméras dans le collège, et puis moi j'ai déjà dit ça aux garçons, je veux pas. Et au bout d'un moment j'en reparle à cette fille à qui je lui en avais parlé de ce qui s'était passé pendant les vacances. Elle me dit mais moi aussi je le trouve bizarre en ce moment. Et Lucie, Coco du Standard nous a parlé aussi d'une histoire de message que t'aurais envoyé avec une histoire de 40 € et tout. C'est quoi cette histoire? Alors en fait, ce garçon chez qui j'étais invitée pendant les vacances, donc je lui ai dit en fait pour pas que j'aille voir les flics pour porter plainte, tu me donnes 40 € et je ferme ma gueule. Et pourquoi t'as fait ça, Lucie? Sur le coup, j'ai pas réfléchi et en fait, je m'en veux tellement parce que c'est à cause de ça que j'ai ma réputation de pute. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est fait des histoires. Tout le monde a dit ça y est, ils ont fait des trucs. Elle demande de l'argent pour faire sa pute. Alors pas du tout. C'est juste du chantage comme ça. Okay. Un coup de pression en fait. Tu voulais juste lui faire peur. D'ici... Au final, bah, moi, je voulais pas d'argent, je voulais pas aller porter plainte, je voulais rien faire, c'était juste pour le faire peur. Et le problème, c'est que ça s'est retourné contre moi, et le garçon avec qui s'est passé l'histoire lundi, il l'a répété à la CPE et au directeur, du coup, j'ai pas eu le choix d'expliquer tout ce qui s'était passé. Et ma mère voulait porter plainte contre ces deux garçons après ce qui s'était passé. Ah bah oui, il faut, Lucie, t'as été agressée. Et, hein. Elle a été convoquée par le collège. Et l'infirmière, la CPE et tout ça, ils ont dit qu'il ne faut pas porter plainte. Je sais pas trop ce qu'ils lui ont dit, mais ils lui ont dit qu'il ne faut pas porter plainte et tout. Pourquoi ça. Bah, tu comprends bien, Doc, que si elle porte plainte, ça va porter préjudice au collège. Ah ouais, mauvaise image. Mauvaise image. C'est pas la faute au directeur, de toute façon. C'est les comportements de ces garçons. Ces garçons, ils doivent être, punis pour ce qu'ils ont fait, de toute manière. Toi, t'as raconté toute la vérité au directeur, du coup? Toute la vérité, j'ai pas eu le choix de lui raconter ce qui s'était passé. Ok, mais il faut vraiment que tu racontes tout en entier, que tu sois franche, honnête, sincère, avec effectivement, bon voilà, t'as fait une boulette en demandant de l'argent, c'était une mauvaise idée, mais il faut aussi dire ça, de toute façon c'est sûr que ça va être ta parole contre la leur, en l'occurrence, parce que là ils sont plusieurs, mais il faut que tu racontes la vérité, et il faut le dire à la police. Là t'as pas d'autre choix, si le directeur dit, bah non, il faut pas porter plainte, ah bah non, il faut y aller justement. Parce que là, t'es victime de harcèlement, Lucie. Mais bien sûr. On te traite de salope. Tu peux pas continuer d'aller au bahut en étant traité de salope dès que t'arrives, quoi. Tu vois, ah, la salope, après, ah, la pute. Ça va, quoi. Là, aujourd'hui, là, après tout ce qu'on t'a dit, qu'est-ce qui va se passer? T'as envie de faire quoi? Franchement, je sais pas du tout, parce que vu le bordel que c'est, déjà, je suis convoquée pratiquement tous les jours dans le bureau de la CPE. Je suis convoquée toutes les semaines dans le bureau de l'assistante sociale, de l'infirmière. Donc franchement, je sais pas du tout ce que je vais faire, parce que enfin c'est trop compliqué à gérer. Mais justement, comprends une chose aussi, c'est pas à toi de le gérer, hein, déjà. Ouais. C'est déjà avec tes parents qu'il faut gérer. Voilà. Des adultes. Des adultes. Il faut aller plus loin, si tu veux, Lucie. Si tu veux vraiment que ça s'arrête. Je veux dire, à partir du moment où t'es victime d'agression sexuelle, bah, tu vas porter plainte et tu écoutes pas le directeur qui veut que son école ait une belle réputation, quoi. C'est pareil. Ça me rend dingue, ça, les mecs et tout. Bien sûr. Et c'est dans plusieurs bahuts, ça. Hein, on tait les gens, hein. Ils ont pas le droit de parler parce que, sinon, ça va faire une mauvaise réputation, quoi. La police, elle fera son enquête. C'est son travail. C'est pas à toi de dire, ah bah ouais, mais je vais pas le dire parce que sinon, la réputation de lycée, t'as pas à prendre toutes ces choses-là en compte. Toi, tu fais un témoignage, tu dis des choses comme elles sont, précises. Depuis le début, en racontant tout. Et la police, elle fait son travail et son enquête. Bon, Lucie, on va se tenir au courant, parce que j'ai l'impression que ça va prendre un petit peu de temps, tout ça. Hein. Oui, c'est normal, c'est dur. En tout cas, il va falloir se sortir de cette situation, Lucie. Ça, on est d'accord là-dessus. Donc, pour s'en sortir, il va falloir faire des petites choses. Voilà, des petites choses qui c'est toujours un peu chiant et tout de passer par ces moments-là, parce que ça fait jamais plaisir, mais c'est ce qui va te permettre d'aller mieux, Lucie, et c'est ça l'objectif, c'est que tu te sentes bien dans ta peau, que tu sois heureuse d'aller au bahut et que t'aies des bonnes notes, des petits copains avec qui ça se passe bien, quoi, tu vois. D'accord, Lucie. Déjà, tu nous as appelé, c'est bien. Voilà, alors c'était il y a quelques semaines à l'antenne de Love in Fun. Lucie est de retour et Lucie, il y a eu un petit peu de mieux et là ça va un peu moins bien, c'est ça? Ouais. Bon, alors raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé depuis ton appel? Alors, depuis mon appel, une semaine après, le garçon qui a tenté de me toucher à l'infirmerie, il a fait une lettre d'excuse. Ok. On n'est pas allé porter plainte. Et est-ce que ton passage à Fun Radio a changé quelque chose? Est-ce qu'il a été au courant, que tu en as parlé, que tu as témoigné de ça? Il a été au courant et il a écouté l'émission en replay. C'est bien, c'est bien. Donc peut-être justement qu'il a compris la gravité de ce qu'il avait fait. Et ouais, et aussi il m'avait expliqué qu'il niait tous les faits devant le directeur, parce qu'en fait il croyait que sur le papier où j'écrivais mon témoignage, j'avais écrit qu'il avait réussi à me toucher. Donc c'est pour ça qu'il faisait que tout nier les faits, et qu'au bout d'un moment ça a fini par un peu se retourner contre moi, que le directeur et la CPE me croient pas. Ouais, mais là aujourd'hui là, comment ça va? Comment ça se passe? Aujourd'hui ça va pas. Ouais. Le garçon chez qui j'avais passé une journée pendant les grandes vacances, il fait que tous les jours me demander s'il peut pas sortir avec moi et tout ça. Bon, ouais, ça, tu lui mets un râteau, on n'en parle plus. Hein? Ben oui, le problème, c'est que en une semaine, j'ai dû lui foutre au moins 15 râteaux à ce gamin. Ouais. Donc, non, mais ça, c'est normal. Tu le bloques? Oui, c'est un Carrel, tu vois, il a envie absolument, mais il n'y arrive pas. C'est un farceur plein d'espoir. Ouais, c'est ça. Et alors, là, on a le sentiment d'entendre Lucie qui nous dit qu'il y a un garçon qui a envie de sortir avec elle. Qu'est-ce qui va pas alors? Je sais pas, aujourd'hui j'étais pas bien, j'étais énervée parce que mes parents ont voulu me prendre mon téléphone après un mot dans mon carnet par rapport à mon comportement. Et j'ai complètement pété une crise, j'ai pété un mur dans ma chambre et j'ai réussi à, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai lancé une montre par terre et cette montre s'est brisée. Et du coup j'ai récupéré le verre et d'un coup tout s'est coupé et je me suis mutilée mais... extrêmement rapidement, j'ai commencé à pleurer, je suis descendue et je suis allée dans les bras de mon père et puis il m'a demandé ce que j'avais. Et tout ça à cause de l'énervement suite aux mots dans ton carnet. J'étais énervée et j'ai essayé de me calmer mais j'y arrivais pas, c'était de pire en pire. Donc, Et le fait d'être dans les bras de ton père, ça a permis de te calmer un peu? Oui. Oui, ça marche. Ça c'est bien parce que maintenant il est au courant, tu lui as dit, tu lui as montré ou pas? Oui, je lui ai montré, ouais. Il savait déjà que ça t'était arrivé? Que je venais me mutiler ou... Oui. Du coup, dès que je suis descendue en pleurant en allant dans ses bras, il n'était pas au courant. C'est à ce moment-là que je lui ai montré mon bras. Mais que tu avais fait des mutilations déjà avant, il le savait? Oui. Ok. Bon, ça c'est une bonne réaction malgré tout, tu vois, même si malheureusement tu t'es mutilé, mais ça vient dire que t'étais très énervé et t'as retourné l'énervement contre toi. En revanche, bon ça c'est pas positif bien sûr, mais en revanche, derrière, t'es descendu et t'as couru dans ses bras et ça t'a apaisé. Et ça c'est bien. Donc oui. Ce qui serait pas mal la prochaine fois, c'est qu'en cas d'énervement, tu cours direct dans les bras de ton père et que tu passes pas par l'étape mutilation, si c'est possible. Ouais. Et oui. Ah oui, Lucie, il faut que tu sois plus forte que ça. Mais t'es déjà la bonne ressource. C'est déjà la bonne ressource. Courir dans les bras de ton père, c'est bien. Il y a juste l'étape entre les deux qui va pas. Ouais. Bon, et Lucie, ça va aller. Il faut. Alors, pour ceux qui nous écoutent, Doc, et qui sont. Parce qu'ils sont nombreux à être un peu mal dans leur peau. Et t'as tendance à te faire du mal. Et tu te scarifies, tu te blesses, comme ça, tu te mutiles. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Faut tout de suite en parler à un adulte, c'est ça? Oui, c'est ça. De toute façon, en parler à qui que ce soit même un ami, une amie, et à un adulte, ça permet de le sortir de soi. Il faut pas le garder en soi. Si possible, hein, c'est, il y a de la violence. Ouais, je suis très énervé. Mais l'énervement va le dire, va le sortir. Alors après, on peut toujours aller dire, va faire du sport, va courir, va faire ce que tu veux. Quelque chose qui marche, qui te défoule, par exemple. Oui. Donc évidemment, comme tu dis, j'ai tapé dans un mur. Bah oui, c'est sûr, ça te défoule. Mais tu risques de te casser une main. Donc c'est pas le mieux. Non, c'est le mur que j'ai cassé, c'est pas ma main. Oui, non, heureusement que c'est le mur, tu vois. Mais bon, des fois, ça pourrait être la main aussi. C'est dangereux quand même. Ah mais taper dans un truc, c'est une. Enfin, je sais que moi, je suis un grand fan de Pascal le Grand Frère. Hein, et Pascal le Grand Frère, il y a une étape où à un moment donné, le jeune doit se lâcher. Hein, tu vois. Et ils tapent et tout. Ils vont dans une forêt, hein, généralement à côté des arbres et tout. Et puis là, Pascal, il enfile une combinaison et puis il tape. Et après, tu vois, tu déchaînes un peu et ça va mieux, quoi. Mais voilà, mais à la rigueur, achète un punching ball pour faire de la boxe. J'en ai un et je comprends pas pourquoi j'ai tapé dans mon mur et pas dans mon punching ball. Voilà. Bah oui, tu vois, Alice, elle, c'est la nourriture. Elle mange. Hein, elle se fait plaisir, chocobon sur chocobon. Ah, une petite tarte tatin et hop, on y va. Hein, c'est possible. Oh, du Nutella à la douche. Oh là là, une tarte au citron, c'est pas vrai. Une tarte au citron meringuée. Je te laisse. En plus, je suis pas très tarte au citron meringuée. Voilà. Il faut trouver un défouloir. C'est important. C'est ça, mais ça peut être juste courir. Il y a plein de gens qui, quand ils sont très énervés, ils sortent et ils courent. Bah, tu peux aller courir, ça. Si tu penses pas au punching ball, tu penses à sortir, comme là t'es descendu, hop, tu vas dehors et puis tu cours. Bon, Lucie, c'est important, hein, vraiment. Et en parler. Et et là, il faut aussi que tes parents ils prennent leurs responsabilités, hein, et qu'ils t'aident, hein. Enfin voilà, t'es quand même vachement en souffrance, Lucie, hein. D'accord? Oui. Faut que. Et là, qu'est-ce que papa il t'a dit, là? Eh ben, il m'a demandé, je lui avais menti, je lui ai dit que ça s'était passé en cours aujourd'hui, alors que ça s'était passé 10 minutes avant que j'aille le voir. 10 minutes, n'importe quoi. C'était passé une minute avant que j'aille le voir. Et puis il en a parlé à ma mère et puis il m'a dit t'es au courant que ça sert à rien de faire ça, tout le monde sait que ça sert à rien. Oui, même moi je sais que ça sert à rien, mais, oui, mais... je sais pas. C'est ta ressource, c'est ta façon de dire je suis énervé. Voilà. Donc il faut l'exprimer autrement. Il faudrait que papa, tu puisses aller lui dire, ouais papa, je suis énervé. Voilà. Alors, Cassim a une technique peut-être pour éviter de se scarifier. Ouais, c'est une technique. Moi, ce que je ferais à ta place, c'est, tu sais, tu te plâtres les deux avant-bras. Comme ça, tu pourras rien faire et ça touchera pas ta peau. D'accord. J'en attendais pas moins de la part de Cassim. Voilà, un bon conseil. Cassez-vous les deux bras, le plâtre, et ensuite on est tranquille. Ah, mais bien sûr. Bah voilà. Lucie, tu repars avec un bon conseil grâce à Cassim. Et ça, ça fait plaisir. Vraiment, prends soin de toi, Lucie. C'est important. Et surtout, rapproche-toi bien de ton père et dis-lui à chaque fois que ça va pas. Hein, c'est important que tes parents ils soient là pour toi. D'accord, Lucie. On te fait des gros bisous. Hein. T'embrasse fort. Salut. Bisous. Salut, Lucie. Ciao. Tu nous écris hein, si besoin. Ouais, t'hésite pas. Pas de problème. Allez, on va t'envoyer une nouvelle montre pour Noël. Hein, hein, parce que, on va te faire un petit cadeau. Tu raccroches pas. Salut, ma Lucie. Salut. Ciao, ciao. Salut. Et on va parler, Alice, dans un instant, de partenaire. On a reçu un petit message sur Facebook de Justine. Et en fait, c'est son mec qui l'a quitté, mais pas pour une autre fille, pour un autre mec. Et elle le vit encore plus mal que si c'était pour une fille, quoi. Donc, elle a vraiment du mal à se remettre de cette situation. Elle pense que c'est de sa faute, finalement. Ah ouais, ouais. Alors que moi, franchement, si ma nana... Bon, j'en ai pas, mais si ma nana me larguait pour une autre nana, j'en serais carrément moins vexé, quoi. Ouais, je sais pas, peut-être moins jaloux et tout. Oui, mais ça, c'est vous, les mecs. C'est ce qui se dit beaucoup, ouais. Ah ouais, non, mais n'hésitez pas, justement. Mais ceci étant dit, il y a aussi les femmes qui trouvent que c'est pas du tout pareil et que ça fait moins mal. Bah, venez nous dire justement si ça vous est déjà arrivé. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. On parlera aussi d'anal et de vaginal dans un instant sur Fun Radio. Ah, ça c'est un beau programme. Ça excite Alice. Restez bien avec nous. On va écouter Black Coffee, David Guetta, c'est Drive dans Love in Fun. You left behind, and I can't get high enough to forget why I cry. So drive on. Sur Fun Radio Drive. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. Hey! Oh! Hey! Hello! Hello! Hello! Hello. Ah, j'adore le hello de Doc. Doc qui est bilingue, hein, Doc. Ah oui. Non, mais c'est vrai, Doc qui va aller à Los Angeles pour un trilingue. Trilingue. T'es trilingue? Bah oui, italien aussi. Italien. Oh là là. Qu'est-ce que tu peux nous dire en italien, Doc? Sei innamorato. Oh, alors Alice, toi qui es d'origine italienne, enfin pardon, calabraise. Il est apparemment amoureux. Ah, c'est vrai? Ça non, je dis sei. Ah! Sei innamorato. T'es innamorato? Alors si? C'est toi. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu es amoureux? Ah, mais évidemment, évidemment, évidemment, bien sûr. Mais moi, je suis un amoureux de l'amour. Et souvent déçu. Et elle c'est te vrai. Le rend pas très bien. Non, faut arrêter de dire ça. Non, mais je vais passer pourquoi, là, sans déconner. Bah écoute, à un moment, on ne ment pas à nos auditeurs. Léo, t'es là? Salut toute l'équipe, oui, je suis là. Bonsoir Léo. Salut. Hola, que tal, Léo? Muy bien, et tout? Ah, si. A donde está la cabeza? Et mi cuerpo. Bien sûr. Alors, Léo, t'as une question à la con. Vas-y, on t'écoute. Alors, tous mes potes me disent que je suis mou, genre que j'ai deux tensions. Alors, je voulais savoir si je sniffais du café, ça marchait comme la cocaïne, vu que c'est de la poudre et que ça a les mêmes effets. Genre, ça pouvait me rendre speed et tout. Ah, mais alors, sniffer du café. Ouais, grave, sniff. Totalement pas recommandé, puisque personne ne l'a jamais fait. Ah, je pense que. Ah, remarque, il y avait l'histoire de chiquer le. Chiquer le tabac. Non, il y a des prix. Si, il me semble que dans les pays qui produisent du café, ils se mettent des trucs dans le nez. Mais. Enfin, en tout cas, ici, on fait pas. Donc, non, je Doc ne recommanderais pas en du ce moment, tout. J'essaye de retrouver les infos sur qu'est-ce que font les Colombiens avec le café. Il y a une histoire, je sais plus, mais faudrait retrouver. Alors, mais non, c'est pas recommandé puisque personne ne le fait. Comment? Ça ne peut pas me faire de mal. Non, mais si. Ça peut ne pas te faire de bien aussi. Parce que le problème de la voie intranasale, c'est que ça monte directement au cerveau. Tandis que quand tu bois, ça passe dans le tube digestif et donc les effets sont beaucoup plus lents et progressifs. Si tu es en intranasal, c'est pam, directement au cerveau. Donc j'ai peur que ça fasse le même effet que la cocaïne. Donc non, c'est pas recommandé. Mais c'est légal en plus, c'est mieux. C'est légal. Non mais Léo, t'as envie de t'exploser la gueule ou quoi? T'as sans déconner. Mais bois-le ton café, bordel. Oui, prends un Red Bull et puis voilà. Je suis toujours mou. Bah écoute, t'es comme ça. Accepte-toi comme t'es. Exactement. Il y a il y a des personnes qui sont molles, et puis il y a des personnes qui sont dynamiques. Ouais, et ben, Léo, sois fier d'être un mou. D'accord. Hein? On a besoin de toi aussi. Et garde, okay. Garde-toi bien en santé. Prends soin de toi, mon Léo, et évite le café par les narines. Salut, mon Léo. Ok, ça marche. Ciao, merci. À bientôt. Salut. À bientôt. Et on dirait que c'était même pas une question à la con, mais une question très sérieuse. Ça. Ouais, j'ai l'impression. Putain, ça se trouve, ça faisait des jours et des jours qu'il se posait la question. Il y avait le stock déjà de café sous la main et tout, il était prêt là. Non, c'est un mauvais plan, les amis. Hein. Restez bien avec nous dans un instant. On va parler de ceux qui se sont fait plaquer. Mais pour le sexe opposé, Alice. Oui, c'est le cas de Justine. Elle nous a envoyé un petit message sur la page Facebook de Love in Fun et en fait, son mec l'a quitté pour un autre mec et elle, ça a le don de la rendre folle. Bah oui, parce qu'on peut se poser plein de questions. Pourquoi est-ce c'est qu'il a. C'est de ma faute. Pourquoi je l'ai détourné. Parce que je l'ai dégoûté. Ouais, c'est ça. Je l'ai dégoûté des femmes. Venez nous raconter. 01 42 48 5000. Ça vous est déjà arrivé. C'est le moment de témoigner sur Fun Radio. Vamonos. C'est le nouveau Criss Cross Amsterdam dans un instant. C'est votre émission tous les soirs. Fier d'être avec vous. Du dimanche au jeudi de 22h à minuit. C'est Love in Fun. Suivez-nous sur Instagram. Tapant Love in Fun. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Quelle est la situation dans laquelle tu t'embrouilles forcément en couple? Ikea, t'es à peu près sûr que c'est le démarrage d'une embrouille entre couples. C'est ça. Quand tu te fais surprendre en train de faire l'amour avec une autre fille, forcément. Là, tu te fais engueuler. Grosse prise de tête que j'ai eu il y a 2-3 jours, c'était quand j'ai fait mon sapin. Je me suis dit, on va faire vert et un peu de marron, et ça va faire le côté diarré. Nature boisé. Et elle regarde le caddie, elle fait non, rouge. Eh ben, venez chez moi, il est comment le sapin? Rouge. Ouais. Dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect, Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi, Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Avec les services Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, j'ai changé de mobile avec Orange. Et avec l'appli Transfert des données, j'ai récupéré toutes mes données. Oui, mais moi, j'ai changé de mobile avec un expert Orange en boutique. Et il m'a transféré tous mes contacts. Oui, bah moi, l'expert Orange, il m'a aussi transféré mes photos, mes vidéos et même mes SMS. Et l'expert Orange, il ouvre les huîtres aussi ? Changer de mobile, c'est facile avec Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Prestations valables pour un seul équipement pour clients Orange. Tarifs et conditions en boutique et sur orange.fr. Fun Radio présente I love techno. Samedi 15 décembre au Parc des Expos de Montpellier. Retrouvez sur scène Charlotte DeWitt, Kolsch, Solomon, Laurent Garnier, Dixon, Tell of Us et bien d'autres. Infos et réservations, point de vente habituel. ilovetechnoeurope.com et funradio.fr. I love Techno Europe avec Fun Radio. Le son d'Enfleur. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook et Instagram. Du sexe, de l'amour et du fun. We're having fun. Tous les soirs. Love Fun. 22h à minuit sur Fun Radio. Algunos parecen todavía viven en el siglo de la hombría, que te arreglas solo para ellos y que para tus hombres te maquillas. Solo para él, y esto se te baila. Aunque dejo claro que no quiero, creen que lo mío es coqueteo. Quiere gozar, ella no anda buscando drama. Le dije, vámonos, vámonos, vámonos. Y ella, la cama, no. Quiero que esta noche te vaya conmigo. Pero a la cama, no. Solo para él, que esto es sexy bailar. No es solo para él, que me gusta gozar. Y él me dice, vámonos, vámonos. Amsterdam sur Fun Radio, Bamonos. 01 42 48 5000, appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. De 22h à minuit sur Fun Radio. Il va encore se passer plein de choses ce soir dans l'émission. Attention, nouvelle battle ce soir. Ouais. C'est une équipe qui se renouvelle tous les soirs sur Fun Radio. On est en train de, c'est vrai, de faire des nouveaux jeux, de créer des nouveaux jeux chaque soir pour vous offrir 100€ de bons d'achat à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. C'est vrai qu'à l'approche des fêtes de Noël, voilà, on a envie de faire plaisir à tout le monde et puis parfois on regarde son porte-monnaie et il n'y a plus grand-chose. Hein. Donc on a décidé de vous donner un petit coup de pouce, 100€, voilà, avec un site internet où vous allez trouver plein de petits t-shirts, des sweats, des goodies, avec des inscriptions personnalisées, des trucs plutôt drôle. Franchement, vous allez vous faire kiffer si vous voulez jouer, participer. On se fera un petit blind test sonore ce soir avec des sons à reconnaître. On vous fera même des propositions. Mais attention, il y a des petits pièges. Et puis surtout, il y a moyen de se marrer. Restez bien avec nous et pour vous sélectionner, le 01 42 48 5000. Là, maintenant, on va parler de se faire quitter pour quelqu'un du sexe opposé. C'est ça, Alice, hein ? Oui, on a reçu un message de Justine. Et en fait, voilà, elle le prend très mal parce que son mec l'a quitté pour un autre mec. Du coup, elle a vraiment la sensation qu'elle l'a dégoûté des femmes et que c'est de sa faute. Ouais, vous êtes nombreux à réagir. Alors, je sais pas si... Enfin, ça reste toujours une rupture, une séparation. Donc forcément, on est triste, on est déçu. Après, est-ce qu'il y a une préférence si c'est pour un autre mec ou voilà. C'est un petit peu moins dans la concurrence. C'est pas c'est même que moi ou qu'elle, voilà. Et du coup, j'ai moins à comparer parce que c'est totalement différent. Donc certains et certaines disent quand ça leur arrive que c'est un petit peu moins douloureux parce que de toute façon, j'aurais pas pu me battre, j'aurais pas pu être en concurrence. Bah oui, voilà. Mais. Après, comme disait Alice aussi, ça peut être le sentiment d'avoir détourné le mec. Genre, je l'ai dégoûté des mecs ou des filles, quoi. Ouais, ça arrive. Ouais, ça, c'est croire que l'homosexualité, en l'occurrence, soit liée au simple dégoût du sexe en question. C'est pas du tout le cas. Et personne n'est fautif et coupable. Donc, bon, faut sortir de là. Bien sûr. Alors, Jennifer est avec nous, 25 ans de Lille, qui vient témoigner sur Fun Radio. Bonsoir, Jennifer. Salut l'équipe. Salut à toi, Jennifer. T'étais en couple avec un mec qui s'est barré avec un autre mec? C'est ça. D'accord. Eh ben, vas-y, raconte-nous. Alors, comment s'est passée cette histoire? En fait, si vous voulez, ça faisait à peu près 5 ans que j'ai été en couple avec mon ex. Ouais. On avait notre appartement, notre petite vie. Et en fait, il passait souvent son temps à sortir avec ses potes. Enfin, bref, du coup, j'étais souvent toute seule. Et en fait, vers la fin de ma relation, on se voyait pratiquement plus du tout. Donc, du coup, j'ai décidé de stopper, en fait, de dire, écoute... Tu préfères passer plus de temps avec tes potes et moi me laisser toute seule et je vais pas perdre du temps avec une personne qui s'intéresse pas à moi. Donc c'est toi qui l'as largué, Jennifer. Ouais, c'est ça. J'ai préféré stopper que de attendre chez moi clairement comme une conne, mais. Bien sûr. Quoi. Les soirées toute seule à la maison, comment ton mec. J'ai quand même mes potes, ma meilleure amie et tout, mais voilà, c'est vrai que passer du temps avec son copain, ça c'est toujours plaisant, mais si tu préfères passer son temps avec ses potes, passe ton temps avec tes potes, quoi. Bah, t'as bien fait parce qu'il y en a beaucoup qui continuent les relations comme ça, qui se torturent parce que c'est y a rien de kiffant dans leur couple et tu restes pour rester et au final tu t'aperçois que si t'avais quitté la personne plus tôt t'avais moyen de t'éclater aussi un petit peu plus quoi. La concurrence avec les potes c'est toujours difficile. Il se tapait ses potes alors? Il sortait souvent puis après quand j'ai décidé d'arrêter un jour j'ai reçu un texto d'un ami à moi, d'un ami qu'on avait en commun, en me disant salut Jennifer, j'ai besoin de te parler, j'ai des choses à te dire. Donc pas de souci, si tu veux parler on parle. Et en fait de but en blanc il m'a dit je vois Kevin déjà depuis plusieurs mois. Quand il était pas chez toi, il était avec moi, il était sur l'extérieur, donc ça fout toujours un coup sur la tête. On se dit qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, je comprends mieux pourquoi du coup il passait plus de temps dehors avec ses potes que avec moi. Avec un pote. C'est un pote plus spécialement, c'est spécial. Et alors, t'en as pensé quoi après? Là maintenant sur le coup il fait sa vie, je fais la mienne, j'ai retrouvé un copain et tout, donc après c'est sur le coup en fait, c'est surtout à se dire on s'est quitté parce que tu passais plus de temps avec tes potes, en fin de compte savoir que c'est pas tes potes mais un pote et qu'en fait t'avais plus d'attirance pour moi et au lieu de me dire écoute parce que je suis très ouverte, je suis pas une fille qui est fermée à ce genre de conversation, à dire je sens que je suis plus attirée par notre ami en commun en question, c'est pas j'aurais pu comprendre mais je pense que je l'aurais mieux pris que là à me dire en sachant que c'est même pas mon ex qui me l'a dit mais c'est son copain. Ouais. Donc il aurait pu te le dire. Mais bon, c'était certainement compliqué pour lui. J'aurais préféré qu'il soit honnête avec moi, même encore maintenant. Enfin, on n'a plus trop de contacts non plus. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, il n'ose toujours pas me le dire. Et après, il n'assume pas, quoi. Mais c'est Après. Voilà. En même temps, tu t'es pas non plus totalement remise en question. Tu pourrais, toi, Alice, quitter ton mec pour une femme, par exemple? Non, pas spécialement. Je pense pas. Non, il pourrait se passer des trucs avec une femme et je pourrais pas être en couple avec une femme. D'accord, donc tu pourrais, par exemple, faire un plan en trois. Ça pourrait. Oh putain. Quoi, c'est bon, je t'ai pas dit un plan en trois avec toi. Comment? Mais j'ai pas dit avec vous deux, hein. Non, mais ça va. Vous êtes capable de me dégoûter du sexe à vie. Non, mais absolument pas envie. Non, attends, tu ne nous attires pas du tout, Alice. Bon, bah tant mieux, ça m'arrange. Est-ce que tu t'es fait larguer par un mec ou tu as largué un mec qui est parti avec un autre mec? Non, mais franchement, ça me dérangerait pas du tout. Ça, limite, okay. Ça me soulagerait parce que je me dis, ah bah j'y suis pour rien du tout parce que pour le coup, il a la recherche d'un profil aussi avec un organe supplémentaire que je suis pas en mesure de lui offrir. Donc de toute façon, c'est pas de ma faute. Voilà, c'est, bah, oui, et puis le mode relationnel est pas le même non plus, de toute façon. On a Maxime aussi qui veut réagir. Bonsoir Maxime. Ouais, bonsoir, salut toute l'équipe. Bonsoir Maxime, t'as 22 ans, t'es à Paris. C'est ça. Vas-y, raconte-nous ton histoire. Alors moi, je vous appelais pour réagir parce que mon ex, il y a 2 ans, m'a quitté pour se mettre avec une fille. Et il se trouve qu'en plus, cette fille, c'était ma sœur jumelle. Ah, ta sœur jumelle. Ouais. Waouh, c'est chaud ça. Ah, dis donc. Ouais, en gros, bah, le film, il passait trop bien entre nous. Ah bah, c'est mort. Et donc et puis elle a retrouvé le feeling chez ma sœur, sauf qu'au final, elle m'a dit qu'elle aimait les filles, donc elle s'est mise avec elle. Bah, ça restait dans la famille, quelque part, hein. Et... Ouais, c'est pas trop ce que je me disais au début, quand même. Non, mais c'est sûr, mais... Tu l'as vécu comment? Ouais. Ah, au début, très mal. Les premiers mois, je pouvais pas la voir, je m'enfermais dans ma chambre. Ça voulait... C'était mort, quoi. Ça voulait dire que tu voyais pas ta sœur non plus? Ah non, mais ouais, c'était surtout ma sœur que je voulais pas voir. Ah, d'accord. Ok. Et alors, comment s'est terminée cette histoire? Parce que ça en est où? Eh ben, elles sont encore ensemble, ça fait plus de 2 ans. C'est et pas vrai. Du coup, bah, depuis, on a le temps d'en parler, de mettre les choses à plat. Mm-hmm. Ah oui, tes parents, comment ils ont réagi? Parce que du coup, ils t'avaient vu avec elle, et maintenant, elle est avec ta sœur. Ouais, mes parents, ils ont toujours été cool, donc ils ont pas eu trop de mal à accepter. Honnêtement, au début, c'était plutôt moi qui peinais. Ouais. Au final, on en a parlé. Comme je m'entendais bien quand même avec mon ex, j'ai pardonné. Pardonné, c'est pas le mot, mais on s'entend bien, on a des très bons rapports, on va passer Noël ensemble, là, tous les trois. Ah, mais génial! Cool, ouais. Ah ouais, non, mais voilà. Et bah, c'est comme quoi ça peut aussi bien se passer. Bien mais, bon, sur le moment, c'est un peu dur, il dit bien. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Et toi, t'as retrouvé quelqu'un? Depuis, il s'est passé des choses, mais là, actuellement, je suis tout seul. Ok. Bon, bah, sois pas triste, hein, Maxime. L'impression, tu sais, ah ouais, avec cette musique, t'es tout seul pour Noël, Maxime. Bah non, du coup, j'ai ma sœur. Oui, mais tu vas voir ta sœur avec ton ex. C'est ça. Ouais, et franchement, je te trouve courageux, Maxime. Et on sent dans ta voix que voilà, t'es heureux pour ta sœur qui trouve son bonheur à travers une de tes anciennes relations. Bah moi, je te félicite, Maxime. Ouais, bravo, ouais. C'est gentil, merci. Tu reviens quand tu veux, Maxime. Grave, merci l'équipe. Salut. Salut gros bisous, ouais. Maxime, et continue de réagir. Salut. Sur les réseaux sociaux, le Facebook également. Il y a un petit sujet, vous pouvez continuer d'en discuter. C'est ça qui est bon aussi avec le Facebook, c'est que vous parlez entre vous et tout. C'est une vraie communauté hyper soudée, solidaire. 01 42 48 5000, ça c'est pour débarquer à l'antenne. Et en plus le numéro est gratuit, on vous rappelle derrière. N'hésitez pas. Dans un instant, on va faire la battle avec nos deux auditeurs d'ici quelques minutes. On sera aussi avec Anaëlle, 18 ans, du Havre. Bonsoir Anaëlle. Bonsoir l'équipe. Salut Anna. Du coup, moi je vous appelais parce que j'ai un problème. Je suis plus anal que vaginal. Ah. Quel mais c'est un problème. Oh, regarde-moi aller. Ah, c'est ça. Super. Non mais alors, on est impatient d'écouter. Ah, non, mais... Bravo. Ah mais alors tu sais, tu seras l'auditrice de la soirée. Ah, non mais en plus moi j'aime pas du tout la sodo. Non mais c'est vrai. Alors on va en parler, plus anal que vaginal, le plaisir anal. Alors s'il y a bien un spécialiste dans la France entière, c'est bien Doc qui fait des congrès sur la sodomie. Ouais, quoi. Il a fallu que j'aille faire instruction des proctologues. C'est bien sûr, bien sûr. La pratique, la théorie, Doc, on connaît un rayon. Restez avec nous, on va revenir là maintenant. Non, c'est maintenant ? C'est pas vrai. Ah là, ça fait plaisir. Kassim qui nous envoie un petit allez, so. Tiens, tu vas annoncer le morceau là maintenant. Fais l'intro du disque, Kassim. Bah, tout de suite sur Fun Radio, on écoute Allez, so avec Remedy. Vous nous appelez au 01 42 48 5000. J'ai honte. Every door was closing on me. You were so far out of reach. Drunk on the night, you got lips like your wine. I got nothing but time for you. Feeling so high on that look in your eyes. I got nothing but time for you. I believe circling the drain. Now you show me I can learn to, yeah, how to be okay again. Oh, feeling so high on that look in your eyes. I got nothing but time for you. Oh, I believe that loneliness is my disease. Ce Remedy sur Fun Radio. 22h à minuit. 0 42 48 5. Avec Karel, Alice et Doc. Sur Fun Radio. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur Fun Radio. On va encore s'écouter plein de bons sons. Ce soir, il y aura Offenbach, Benjamin Ingrosso, le DJ Fun Radio, UGL, what the fuck. C'est énorme ce son, moi j'adore. UGL, c'est vraiment un poteau. Hein. C'est un bon gars. Ouais, hein, ouais, ouais. D'ailleurs, je me souviens de son petit frère qui avait fait un canular et tout. Oui, un défi, il fallait pas demander et tout. Ouais, grave, c'était juste énorme. Merci beaucoup d'être avec nous. Il est temps d'accueillir Anaël. Ah, Anaël, hey, est avec nous. Bonsoir Anaël. Anaël et les plaisirs de l'anal. Ah. Alors, Anaël, t'as 18 ans et t'es du Havre. Oui, c'est ça. Et alors, tu viens nous parler de plaisir, justement. C'est ça. Je préfère l'anal au vaginal. Mais oui, alors, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà entendu, justement, au cours de ta longue carrière de sexologue, Doc? Oui, tout à fait, ça s'entend. Alors, l'anal, est-ce qu'on peut prendre plus de plaisir, oui, par la voix, j'ai envie de dire l'entrée des artistes, mm-hmm, plutôt que la voix naturelle, on va dire, de naturel, base. Naturelle, hop, naturelle. Ça, c'est une distinction très fondée sur une morale, etc., qui dit qu'il y a ce qui est naturel et contre nature. Mais aujourd'hui, toutes les voix sont permises, et celle-là, entre autres, peut apporter plus de plaisir. C'est même simplement physiologiquement, en fonction de comment on s'est construit quand on est petit et petite. À un moment donné, les organes envoient des stimulations qui ont besoin d'être satisfaites. Et quand on est un tout petit, eh bien, on peut, lors de ces stimulations, avoir petit à petit pris plus de plaisir par là que par devant. Et donc, bah, étant plus grand, ça perdurera. Ah ouais, putain, c'est fou ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que une zone qui n'est pas particulièrement stimulée au départ de sa vie, à force de l'être, peut faire, comment dire, les informations vont au cerveau et ça peut devenir une plus grande source de plaisir que d'autres. D'accord, donc l'intégration corticale fait que on peut apprendre à prendre du plaisir à un endroit alors que c'était pas spontané au début, par exemple. D'accord, donc on peut avoir mal à son cul au départ, voilà. Et ensuite prendre beaucoup de plaisir en passant par. Et puis la troisième chose, c'est que physiologiquement, le sphincter anal étant serré et fort, ça peut augmenter les sensations de contact, de chaleur, etc., qui sont celles que tu vas avoir avec un vagin. Alors, qu'est-ce qui t'excite justement, Anaël, dans le rapport anal que tu ne retrouves pas dans le rapport vaginal ? Bah, écoute, la première fois que ça s'est fait, je vais te dire déjà que c'était hyper naturel. Mon copain s'est trompé. Ah d'accord, ok. Ah oui, alors ça c'est notre excuse, généralement. Oh, oups, pardon. Oups. Mais vraiment, il a vraiment glissé. Et du coup, bah, ça fait qu'il m'a dit pardon. Mais j'ai dit, mais non, en fait, continue. Oh, c'est bon, mais... Genre, j'adore. T'as pas eu mal? Non, j'ai même pas eu mal. Et pourtant, j'entendais mes copines qui me disaient tout le temps, mais ça fait trop mal, tu vas voir, c'est une sensation horrible. Mais non, en fait, la sensation, c'est à la fois étroit, c'est comme des aides, on sent la chaleur et c'est quelque chose qui est complètement différent, c'est génial en fait. Après, on recommande absolument pas de se tromper de trou et que ça glisse et voilà. Ah bien sûr. Parce que ça peut faire par surprise et que ça fasse très mal, donc c'est pas recommandé. Hein. Ah bah ouais, tu m'étonnes, c'est quand même le cul quoi. J'avais du lubrifiant quand même, il y avait du lubrifiant, s'il y aurait pas eu le lubrifiant, je pense que ça aurait pas été la même histoire. Oui, je dis aussi, c'est une zone qui n'est pas du tout lubrifiée naturellement, donc il faut à tout prix en utiliser du lubrifiant. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, non, parce que c'est chaud quand même. Oui, Et alors, Alice, d'ailleurs, ça t'est déjà arrivé, toi, que le mec... Oh bah je me suis trompée. Une seule fois. Ah ça ouais. m'est arrivé une fois et du coup bon bah là c'était pas du tout prévu et moi j'étais pas prête et pour le coup c'est pas rentré hein comme toi hein. Parce que toi tu dis ça rentrait nickel. Et en fait c'est parce que la seule fois où on m'a porté toute ma vie et en fait on a fait une position sexuelle où il me portait et en fait il a voulu me replacer et à ce moment-là il y a une petite partie qui a forcé quoi. Ouïouïouï. Mais voilà, moi c'est pas spécialement mon truc mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui éprouvent du plaisir parce que c'est aussi vachement cérébral. Oui, côté après, fantasme, ce c'est ce ça que moi quoi. Je disais était neurophysiologique, oui, bah hein, oui, mais après il y a ça, toute la question des jeux et du pouvoir et de la c'est dans la tête. Etc. Ça c'est encore ça une autre joue, partie, hein, c'est une autre partie. C'est dans la tête et dans le cul, comme dit Kassim. Je l'ai entendu, Kassim. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai fait une sodomie. Moi, j'ai vraiment pas kiffé, pour le coup. Je me sentais trop serré et tout. Je sais pas, c'était bizarre. Et puis, j'arrivais pas, moi, à m'enlever de la tête que j'étais dans un anus. Et tout ce que ça sous-entend, tu vois. Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir raté un truc. Non, mais vraiment, j'entends souvent des témoignages et tout. On vous écoute tous les soirs. On a envie parfois de rentrer chez soi et puis de tester des trucs, quoi, tu vois. Et c'est vrai que j'ai pas retenté l'expérience, mais si tu veux, Anaël. Non, pardon. Apprends-lui. Non, pas on du verra, tout. Non, mais pas du tout, Anaël. Je dis ça pour déconner. Mais toi, t'as un copain là en ce moment et vous pratiquez beaucoup l'anal ? Bah, c'est ça. En fait, de base, avant, j'étais beaucoup plus vaginale. Je me disais pourquoi pas un cuni ou une pénétration vaginale. Mais jamais j'aurais pensé à la pénétration anale. Et maintenant, bah, je ne demande que ça. Il y a des réactions. On va accueillir quelqu'un là maintenant au 01 42 48 5000. C'est Julien, 27 ans du Havre. Bonsoir Julien. Oui, salut. Comment salut. Ça va? Salut Julien. Salut. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu nous appelles de la même ville qu'Anaël. Hein? Oui. Eh ben voilà. Le monde est petit. Non, c'est juste que la sodomie est reine au Havre. Hein? Oui, on est bien d'accord. Eh bien voilà, la ville de la sodomie. Ouais, ouais. C'est le Havre. Julien, toi, tu pratiques la sodomie? Voilà, c'est ça. Donc en fait, je suis en couple avec madame et avec madame. Avec madame et aussi monsieur, c'est ça qui est intéressant. Ah, dis donc. J'ai la chance d'avoir une femme très compréhensive et en fait, je faisais les monsieur avant et maintenant je fais madame aussi, mais le vagin, c'est bien, mais l'arrière, c'est mieux quoi. Oh, mais madame a aussi un anus, non? Oui, qui serre énormément. Qui est très serré, c'est tout l'intérêt de la chose. Mais Julien, et c'est mieux parce que c'est dans la tête que ça se passe, parce que concrètement, un anus, c'est pas forcément plus sympathique qu'un vagin, non? Je sais pas. Ah si, moi je trouve que oui, parce que déjà, de une, c'est beaucoup plus serré. Ouais. Donc déjà, l'attraction au moment de la pénétration, c'est juste vachement sympa parce que tu sens que tu élargis, entre guillemets. Et cette sensation-là, c'est reine comme oh ça. Là, oh là, je trouve ça horrible. Ah, genre, mais tu non, élargis mais le trou du cul. Comment on peut trouver ça horrible? Chacun, tout en douceur, hein, s'il élargit. Ah bah oui. Enfin, il y a voilà, il faut bien parler de préliminaires. On utilise ses doigts, on prend son temps, il faut chauffer la machine entre guillemets quoi. Karel, il a peur de l'histoire du soi-disant Mikado. Hein. Oui. On a l'impression que c'est un truc qui te hante un peu. Franchement, je pratique avec madame et on en a beaucoup parlé avant de commencer à pratiquer. Et notamment l'hygiène est très importante et donc on a acheté tout simplement un embout qui se met dans la douche. Et ça permet d'avoir une hygiène ultra propre et comme ça. C'est quoi ça? C'est un truc pour nettoyer le trou du cul? Voilà, pour faire des lavements. C'est un petit tube en inox de 15 cm à peu près que tu rentres. T'es pas obligé de tout rentrer forcément. Et en fait, au bout, tu as de l'eau qui sort et comme ça, ça permet de nettoyer l'intérieur pour que ce soit parfait. Et qu'il n'arrive pas d'accident. Sinon, il y a la poire à lavement toute simple. Je trouve ça anti-glamour. Je vais mettre ma poire pour nettoyer mon cul. Ah, fais ça avant. Mais c'est surtout l'autre côté, c'est aussi te préparer pour ton conjoint, quoi. Ouais, bien sûr. Mais ça doit être chelou, C'est intéressant, c'est génial. Je me demande où est-ce qu'il peut acheter cet embout, en fait. Dans le milieu des messieurs, ça se fait énormément. Monsieur, madame. Mais ça, tu les as sur les sex shops online. Hein. Bricorama, ça ou pas chez Brico? Mais il se passe quoi en fait? Tu mets la poire, tu fais un lavement et après il y a un jus qui sort, c'est ça? Tu mets de l'eau dedans. C'est comme quand tu rinces un plat, quoi. Ah, mais c'est ça. Tu es allé aux toilettes avant et tu fais ça sur ta douche et dans ta baignoire. Et forcément, une fois que tu t'es lavé, t'évacues pas dans la baignoire, tu vas aux toilettes, ça semble logique. Ah ouais, donc il y a des grumeaux à évacuer, quoi. Ok, bon. On ramène à un truc un peu sordide, mais il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Ça se fait forcément avec le consentement de la personne et c'est juste magique comme sensation. Quand tout le monde est d'accord. C'est ça. Tu préfères la sodomie plutôt que les voies vaginales. La voie vaginale. Parce que, entre guillemets, tu te balades un petit peu dedans quand t'es à l'avant, quoi. Et puis c'est chaud, c'est humide, alors que l'arrière, il faut préparer. Et généralement, madame a beaucoup plus de sensations à l'arrière que à l'avant. Ça dépend. Vous êtes bien trouvé, en tout cas. Oui, parce que toutes les femmes ne pratiquent pas la sodomie. Voilà. Couple à trois, hein, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est une pépite, hein, garde-la. Carrément, mon Julien. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir appelé Julien. Ce que je conseille à tout le monde, en fait, c'est surtout de discuter, puisqu'à la base, nous, c'était vraiment plan missionnaire classique. Et maintenant, on est arrivé à fellation, sodomie. On est en train d'envisager potentiellement des plans à plusieurs si elles préfèrent. Mais la communication, c'est la base. C'est d'accord. Ça. Dans mon topo, moi, sur le. Anaëlle ? Moi, je pense que je m'entendrais super bien avec madame, du coup. D'accord. Alors, Julien, tu raccroches pas, on te passe Anaëlle hors antenne. Hein. Voilà le plan à trois. Il se passe un truc. Hein. Vous habitez du côté du Havre. Appelez-nous ce soir. Mais si on faisait un plan à trois, ce serait deux mecs et madame. D'accord. Je suis désolé. Je serais plus partant dans cet affichage-là. D'accord. Écoute. Amuse-toi. Profite bien de la vie, mon poteau. Hein. Merci encore. Salut Julien, salut Anaëlle, gros bisous à toi. Merci encore. N'hésitez pas à nous raconter si vous avez déjà pratiqué aussi, et venez nous raconter, on parle de tout dans l'émission. Ça permet aussi de s'ouvrir des perspectives, hein, et de se dire, si moi aussi, peut-être, en parlant, bien sûr, c'est important, jamais par surprise, les amis. La communication d'abord, ensuite il faut en avoir envie, ensuite il faut les préliminaires, ensuite il faut le lubrifiant, enfin... Il faut tout ça. Exactement. Alors, dans un instant, nous allons jouer la battle, une nouvelle battle chaque soir. Ce soir, c'est Marion, 20 ans, de Dijon. Bonsoir, Marion. Bonsoir, famille. Salut, Marion. Est-ce que tu es une connaissance de Coco? Pas du tout. Tu connais pas Coco, puisqu'il est dijonnais, lui? Oui, vas-y. Et sûr, tu le connais pas? Non. Non, parce que moi je me méfie de Coco. Hein. Il serait capable d'appeler ses amis pour gagner des cadeaux. Hein, tu sais qu'il y en a qui ont déjà fait ça. Hein. Je sais. Ils sont plus là. Hein. Ouais, je te le dis. Hein. Non, mais voilà, je dis juste ça comme ça. Mais là j'ai mis un coup de pression à Coco là. Hein. Rémi, 18 ans de Bordeaux. Ouais. Bonsoir. Salut. Bonsoir Rémi. Ouais. Ça va Rémi? Ça va et vous? On joue dans un instant, t'es sur la route là? Non, du tout. T'es où? Là, je suis chez moi. T'es où chez toi là? Je suis dans ma chambre. Ouais, t'es chez toi sur l'autoroute, ouais. Et à d'autres? À moi, tu me la fais pas. Gros mytho. Eh Rémi, tu me prends pour un con ou quoi? 10 ans de libre antenne et tu me prends pour un con, moi, Karel? Hein? T'es où là? Oh, sur la route, c'est vrai. Voilà!

Fun Radio. Bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle battle. Ce soir sur Fun Radio, dans Love in Fun, vous le savez, tous les soirs de 22h à minuit, chaque soir, c'est 100€ de chèque cadeau à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. De quoi vous faire plaisir pour les fêtes de fin d'année. C'est bientôt Noël, forcément, on fait des cadeaux. Et là, franchement, on vous régale, 100€, c'est pas rien. Ce soir, pour jouer et participer à la battle, c'est Marion, 20 ans de Dijon. Bonsoir Marion. Bonsoir. Bienvenue Marion dans la battle. Rémi, 18 ans de Bordeaux également, c'est ton adversaire. Bonsoir. Salut. Salut. Rémi, peut-être t'as envie de dire un truc à Marion avant de commencer la battle ce soir. Tu vas pas trouver, c'est moi le meilleur. Ouais, c'est ça, oui. Ça clash. Il est confiant. Ça clash de ouf. Dis donc, alors Marion, tu pars avec un avantage. Rémi nous a menti tout à l'heure, il a dit qu'il était chez lui alors qu'il était sur la route. Mais non. Ça fait moins un point. Rémi, tu peux te rattraper. Quelle est l'émission que tu préfères écouter sur toutes les radios? Sans aucune hésitation, Fun Radio, bien sûr. Non, je t'ai demandé l'émission. L'émission, mais un peu de tout. Non, mais je t'ai demandé l'émission entre 22h et minuit. Ah, celle de Karel, pardon. Oui, bah c'est notre émission à tous. Hein. C'est Love in Fun, c'est ça que tu voulais dire, Rémi. Rémi, moins deux, tu pars avec moins deux points. Non, c'est déconne. Non. Je sais même pas comment faire pour te rattraper. T'as envie de dire un truc pour te rattraper, là, une dernière chance? Allez, s'il vous plaît, c'est la première fois que je vous appelle, laissez-moi une dernière chance, s'il vous plaît. Ouais, ok, d'accord. Allez, il passe. Eh, tu sais quoi? Eh, Doc était pas d'accord. Doc, c'est une enflure. Hein, ah non, il y a pas de fleur, pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est le plus généreux. Il nous a payé des cafés quand on était dans le train tout à l'heure. Ouais, c'était hier. Alors, Rémi face à Marion, 0-0. Ce soir, c'est un concept révolutionnaire. Puisque vous allez tout simplement entendre des sons. D'accord? Dès que le son sera terminé, et je vous aurai déjà donné deux propositions, vous criez votre prénom, le plus rapide pourra donner sa réponse. D'accord? Ok. Le premier son, est-ce que c'est un bouc ou un mec qui saute à l'élastique? Écoutez. Marion. Un mec qui saute en élastique. Eh non, c'était un bouc. Oui, c'est incroyable, c'est un bouc. Alors tout est véridique, est-ce qu'on peut réécouter ce son? Imaginez, c'est un animal, hein, c'est un bouc. Il est énorme ce son. Incroyable. Ah, c'est incroyable, c'est fou. Ça a été enregistré dans la campagne du côté de chez Cassim, je crois, hein, c'est ça? En Ardèche. Voilà, en Ardèche. Allez, deuxième son, et ça fait 0-0 toujours. Selon vous, ce bruit correspond à un castor en rut ou à des pets de fouf? Écoutez. On va le faire tous les soirs, ce jeu. Ah, moi, je connais la réponse. Alors. Marion? Oui, Marion a été plus rapide. Vas-y, Marion. Des pets de fouf. Des pets de fouf. Bravo! Absolument! Et alors, j'aime autant vous dire que Alice a galéré pour faire ce son toute l'après-midi. Ah ouais, c'était vraiment pas facile. J'ai des restes. Hein. Ça vient du vagin d'Alice. Réécoutons le vagin d'Alice. C'est parti. Quelle pratique! J'aimerais bien le réussir, mais j'y arrive pas. T'as jamais réussi, Alice? J'arrive pas à faire des pets de fouf sur commande. Même pendant l'amour, j'en ai très, très, très rarement, en fait. Eh bien voilà. Alors, comment pratique-t-on le pet de fouf, Doc? Il faut s'entraîner, hein. Il faut contracter les muscles, voilà. Etc. C'est de l'entraînement. Mais on aspire de l'air avec son vagin. C'est ça. Pour ensuite l'expulser. Alors, excuse-moi, mais si on force, on n'est pas à l'abri d'un petit pet. Ah bah non, bien sûr aussi. Voilà. Alors, ça peut aller avec. Évidemment. Ça fait donc toujours 1-0 pour Marion. Voilà. Nouvelle question. Nouveau son à écouter. Est-ce que c'est un couple qui fait l'amour? Ou un perroquet? Rémi! La gueule, Rémi. Faut attendre la fin du son. Alors? Marion! Rémi! Un perroquet? Un perroquet, bonne réponse. Exactement. Ah non, c'est fou. Eh, vas-y, remets le son, c'est pareil, on dirait un orgasme. En fait, il reproduit les sons qu'il entend dans la maison, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ça doit y aller, hein. Et le perroquet, c'est tellement intelligent un perroquet. Ah, c'était bon. C'est comme ça qu'il dit bonjour. C'est génial, génial ce son. C'est effectivement un perroquet. On y va pour un nouveau son. Cet objet est un sextoy ou un rasoir électrique? Allez, Marion. Marion. Un rasoir. Eh non, c'était un sextoy. Mais j'ai l'impression que c'est un... que c'était chez le dentiste. Non, j'ai l'impression que c'est un sextoy qui rase la foufina aussi en même temps. Mais non, on entend que c'est le sextoy qui par moment est genre collé contre une table ou un truc comme ça. Tu vois, c'est la vibration du sextoy et puis genre on entend quoi la différence. Moi, je reconnais bien le sextoy. Hein. Donc ça fait toujours 1-0 pour Marion. Non, ça alors... fait 1-1. Pardon, un partout. Alors, on n'arrive pas à rejoindre Rémi. Alors, Coco est en galère. Je le vois depuis tout à l'heure à rappeler Rémi. Qu'est-ce qui s'est passé? Rémi, il n'y a plus de batterie? Ouais, non, ça a raccroché toute seule. D'accord. Donc, c'est pas grave. Marion, tu n'as plus d'adversaire. Je te souhaite bonne chance pour continuer ce jeu parce qu'on va le continuer avec ou sans Rémi. Nous, on ne lâche rien. Même si vous n'êtes plus à nous écouter le soir sur Fun Radio, on fera toujours cette émission de radio. Mais oui. Alors, non, mais il faut absolument récupérer Rémi, là. Faut qu'il joue avec nous, là. T'arrives toujours pas à l'avoir, Coco? Ah, toujours pas. D'accord. Donc, tu vas jouer, Coco. Pour Rémi ce soir. Ah ouais. C'est parti. Marion face à Coco qui remplace Rémi comme ça au déboté. Dans sa chanson Boucan, que dit Maître Gims? Que faire de tout ce qu'ils disent ou que faire de tous ces pénis? Écoutez. Que faire de tout ce qu'ils disent, le guide t'a changé. Alors. Le premier. Que faire de tout ce qu'ils disent? On réécoute, on vérifie. Que faire de tout ce qu'ils disent, le guide t'a changé. Alors, c'est marrant parce que quand tu te mets « que faire de tout ce qu'ils disent », tu entends « que faire de tout ce qu'ils disent ». Mais quand tu te mets en tête « que faire de tous ces pénis », ah oui, c'est que les faire de tous ces pénis. Tu entends « que faire de tous ces pénis ». C'est ça, c'est fantastique. Ben oui. On appelle Maître Gims maintenant pour lui demander quelle est la bonne réponse. Ah, il est avec nous. Bonsoir, Maître. Salut, c'est Maître Gims. Salut, Maître. On est vraiment content que tu sois là. Et ouais. Comme ça, on t'appelle, tout va bien? Ouais, tranquille, ça va. Depuis mon concert sur Fun Radio, c'était trop bien. D'accord. Et alors, tu dis quoi dans ta chanson? Bah, que j'aime les pénis. Mais non, il dit pas ça. Mais mytho, c'est pas Maître Gims. Des problèmes. Alors, je sais pas s'il y en a qui sont branchés sur funradio.fr ou directement sur l'application. Vous voyez la tête de Kassim qui se met en mode Maître Gims. Ouais, je suis Maître Gims. On dirait qu'il est en train de faire un match de boxe. Ah ouais. Le mec, il se dandine. Ou qu'il a la diarrhée. Ouais, c'est ça. Je me mets dans le perso, quoi. Hey, salut, c'est Maître Gims sur Funradio. C'est une victoire de Marion ce soir. Ouais, de Marion. Et pour se faire kiffer, on en a un petit dernier là. On s'amuse là ce soir. Ce bruit, à ton avis, Marion, est une grenouille ou un jouet pour chien? Écoute. Un jouet pour chien. Eh non, c'est une grenouille. C'est fou, décidément. Hein. Et heureusement qu'il a raccroché, hein, parce que t'es vraiment nul, Marion. Rémi, est retour. Plus de batterie. Rémi. Oui. T'as perdu. T'as perdu. Rémi, toi, t'as tout perdu, mon gars. Ouais. Sans déconner. Oh non, mais non. Et j'ai mis Coco à ta place. Voilà, c'est Coco, donc forcément. Hein. Il s'est battu pour toi. Il s'est battu pour toi, mais il a pas tout donné, a priori. Hein. Oh. Rémi, l'important, c'est de... participer. Mais ouais. Ouais. Bel esprit. Exactement, bel esprit, mais on n'y croit pas. Hein. Et Rémi, tu repars avec ton pack Love in Fun, on va t'envoyer des boules de Noël. T'aimes ça les boules? Oh oui. Ah bah voilà, tu vas te régaler avec de la bonne boule de Noël, avec marqué Fun Radio, le son Dance Floor dessus. Et Marion, nous on t'envoie 100 euros de chèque cadeau à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. Je suis contente. Ouais. Eh bah nous aussi, on est content pour toi. Rémi, t'es dégoûté? Un peu beaucoup, mais... Eh bah, ça t'apprendra. Salut mon Rémi. Ouais, Tu peux passer une dédicace? Tu peux tout faire ici, vas-y Rémi. Une dédicace à mes copains Fabio, ouais. Kevin, Néo et... Ouais, salut les drogués. Salut Rémi, salut les potos. Salut les gars. Et on va accueillir Lucille, elle a 20 ans, elle est de Rouen. Bonsoir Lucille. Salut l'équipe, salut Karel. Salut. Lucille, tu nous appelles pourquoi? Bah, en fait, je prends que du plaisir sur les sites porno en regardant des vidéos lesbiennes, donc je me demandais si j'étais bisexuelle. Oh, ok, d'accord. Bon, tu bouges pas. Ça, c'est intéressant comme question. 01 42 48 5000. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez déjà vécu ça vous aussi. Vous êtes posé cette question. Et en attendant, c'est Jonas Blue, Liam Payne sur Fun Radio. I was never a believer, but you could fall in love at the first sight. But all of a sudden, we got up and got lost in the moment. All of a sudden, she's gone in the flash of a light. I never was looking. I'll be looking for the rest of my life. Jonas Blue et Liam Payne sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Love in Fun. Love in Fun. On fait du triolisme tous les soirs, enfin du triolisme. Je ne sais pas si c'est le terme. Nous sommes trois. Nous sommes trois. Moi, je m'appelle Karel. Il y a Doc qui est là, qui est médecin, sexologue. Alice également. Salut. Alors, Alice, elle s'occupe beaucoup des réseaux sociaux de l'émission. Et oui. À l'Instagram, Love in Fun, n'hésitez pas. On a d'ailleurs un compte perso. Toi, c'est quoi ton compte, Alice? Moi, c'est Alice-Radio. Voilà, moi, c'est Karel Fun Radio. N'hésitez pas à aller vous abonner. On vous met des petites photos régulièrement. Qu'est-ce qu'on a mis comme photo ce soir? En fait, on a mis plein de photos de notre soirée d'hier, alors que ce soit avec Sam et notamment aussi les auditeurs. Et je suis en train de récupérer toutes les photos qui ont été faites au cours de la soirée, parce qu'il y avait un photocall. On a fait des photos avec vous tous, les auditeurs présents à Rennes. Et on va faire un petit dossier sur le Facebook de Love in Fun dès demain, où vous pourrez retrouver vos photos, vous taguer, tout ça, quoi. Super. Et ben voilà, n'hésitez pas, le Facebook de Love in Fun. Faut aussi que je vous parle de la chaîne YouTube de Love in Fun. La chaîne YouTube qui cartonne de plus en plus. Franchement, merci beaucoup. Il y a de plus en plus de vues sur les vidéos. Donc, on voulait voler vrai. Bizarre ce vraiment cette phrase. Vous remercier. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, on a mis une nouvelle vidéo là, il y a deux jours sur la chaîne YouTube de Love in Fun. C'est Nicolas qui nous avait appelé parce que sa copine le traitait comme une merde. Et on l'avait appelé sa copine en direct. On avait franchement halluciné de son comportement. Et d'ailleurs, on prendra des nouvelles de lui là très bientôt. Là. Il pouvait pas passer à l'antenne ce soir, mais on en aura justement très très bientôt. Ça va déjà mieux. Hein. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube de Love in Fun. Et là, on va accueillir Lucille. Elle a 20 ans. Elle est de Rouen. Bonsoir Lucille. Salut Karel. Salut. Bonsoir Lucille. Alors, tu prends du plaisir, toi, en regardant des films porno avec des filles qui font l'amour. Voilà, c'est ça. Après, je tenais à te dire que ça a l'air tellement cool, votre déloc à Rennes. Ah, bah merci beaucoup. Bah, et en plus, toi, t'étais à Rouen, ouais. Si. Bah, t'as Bruno demain matin. Hein. Ouais. Tu y vas ou pas? J'ai pas trop le temps. D'accord. Ah, bah, c'est le matin aussi. Après, je sais pas trop. Enfin, je pense qu'il y avait aussi, voilà, une désinscription et que c'est complet. Hein. On va pas se le cacher. Lucille, en attendant, merci beaucoup. Lucille, parle-nous un petit peu, justement, de cette question que tu te poses par rapport à, bah, voilà, à ces films porno que tu regardes où il y a que des filles. Bah, en fait, j'ai un copain. Ouais. Mais, voilà, bah, je prends beaucoup de plaisir en regardant des pornos, mais que avec des lesbiennes. Il y a juste les meufs qui peuvent me faire jouir. Je déteste voir des mecs dans des pornos. Mais t'as t'as du plaisir avec ton mec? Par ailleurs. Oui, aussi. Okay. Mais quand je regarde un porno, voilà, je veux que des filles. J'aime bien quand elles se touchent, un peu partout. Et moi, je comprends. Mais grave. Est-ce que t'as déjà eu une envie d'aventure avec une femme pour autant? Bah, j'avais jamais vraiment pensé avant jusqu'à ce que je regarde des pornos, quoi. Ça a commencé quand, ton goût pour le porno lesbien? Il y a quelques mois. J'étais quand même avec mon mec. Mmh. D'accord. C'est venu comme ça tout seul, subitement? Non, j'avais déjà un petit peu pensé avant. J'aime bien quand même. Voilà, j'ai embrassé des filles, tout ça. Ah. Mais c'est de l'ordre. De toute façon, quand on regarde des vidéos comme ça, on fantasme sur ces vidéos. C'est pas parce qu'on fantasme, par exemple, sur une relation avec une autre fille, qu'on est forcément lesbienne. Ah, pas du tout. C'est pas ça qui fait de toi une homosexuelle. Pour qu'il y ait homosexualité, il faut qu'il y ait des comportements. Il faut qu'il y ait également des fantasmes. Donc c'est au moins deux choses qui doivent être associées. Or là, toi, il y a peut-être des fantasmes, mais encore, c'est qu'en regardant une vidéo. Je ne sais pas si dans ta tête, tu fantasmes sur des rapports lesbiens. Est-ce que tu as des fantasmes de le faire? Je ne l'entends pas beaucoup. C'est, tout ça a l'air d'être très lié au support vidéo. Et puis de l'autre côté, tu n'as aucun comportement homosexuel avéré. C'est pas parce que tu as roulé des pelles à une fille que... Voilà. Donc non. Après, peut-être que tu le deviendras, hein, je n'en sais rien. Je ne sais pas de quoi sera fait ta vie. Et puis peu importe, le tout c'est que tu sois confortable et à l'aise avec ce que tu es et qui tu es. D'accord, oui. Voilà, il y a une part de toi qui l'est. Voilà, pour l'instant, elle est cantonnée au film porno. Bon, c'est pas très grave. Peut-être que ça se développera, peut-être que ça s'arrêtera là, puis peut-être que ça va s'éteindre tout seul aussi. Hein. Ah, moi, j'ai déjà entendu Alice qui disait que, justement, si elle regardait des vidéos, c'était uniquement des filles. Ah ouais, moi, je suis totalement comme toi, Lucille. C'est-à-dire que je suis pas une adepte du porno, mais à chaque fois que j'en ai maté, c'était que des meufs. Parce que pour le coup, bon, bah, elles ont une chatte comme moi, elles ont un clitoris comme moi. Donc, finalement, c'est ça qui m'excite un peu. C'est le fait qu'on se focalise sur mon organe à moi, quoi. Alors que dès tu que. Tu reconnais. Non, mais c'est ça. Sur mon sexe à moi. Non, mais c'est vrai. Et alors que, en plus, dès qu'il y a des mecs qui commencent à se rajouter au truc, ou alors il peut y avoir un mec, mais genre, on voit pas sa tête, quoi. Parce que sinon, ça me fait. Non, mais je sais pas, je trouve que ça rajoute. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, ouais. Mais ça rajoute un truc un peu comme malsain, tu vois. Parce que le mec a une image, pour certaines femmes, hein, enfin, notamment moi quand je regarde, un porno, le mec a une image un peu sale, un peu machin, pas forcément douce, pas forcément respectueuse, alors que les nanas entre elles sur des vidéos porno, bah voilà, elles se font kiffer et puis c'est tout, quoi. C'est marrant, moi aussi j'adore regarder des vidéos de femmes. Mais ça fait pas de toi une lesbienne, ni une bi, ni quoi que ce soit, tu vois. Moi aussi j'ai embrassé plein de copines en soirée, et à la limite, peut-être un jour un plan à trois, vraiment, si je tombe sur une femme que je trouve incroyablement attirante. Mais c'est pas parce que tu mates ce genre de truc. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alice. Oh là, je sens que je vais faire un plan à trois avec deux nichons de sexy chocolat, moi. C'est vrai qu'en plus, le porno avec des mecs est quand même très fait pour les mecs. Bah oui, c'est ça. Visuellement, scénographiquement, tout ça est très construit pour les hommes. Donc, effectivement, en général, ça ne plaît pas du tout aux femmes, déjà. Bah, t'es une fellation, des trucs comme ça, une fille qui se fait gicler au visage. Enfin, c'est pas. Bah, non, mais c'est vrai, c'est que la gicler au visage. Mais bien sûr. Retrouvez la nouvelle vidéo. Alors que les femmes, entre elles prennent du temps, sur les vidéos, sur les préliminaires, sur tout ça. Et du coup, forcément, c'est vachement plus excitant parce qu'on n'est pas juste sur la pénétration pure et dure, le côté bourrin, mais sur le côté vraiment, je sais pas, clitoris. Prélie et tout, quoi, c'est cool. Kassim, le reproducteur, tu veux dire un truc? Non. C'est l'histoire d'un mec qui, au début où on a commencé à en parler, a levé la main parce qu'il avait un truc à dire. Ouais, mais vous avez dit ce que je voulais dire. Alors, du coup, dis-le à ta sauce. Non, parce que j'allais poser la question aussi, vu que moi aussi je mate des meufs qui baisent ensemble, est-ce que ça te fait de moi une lesbienne? Et elle était dure cette question. Ah ouais, putain, je suis fatigué. Mais c'est pas pareil. Ok, Sim. Un nez bouché, ça enlève les neurones. Ouais. Bon, bah écoute, Lucie, en tout cas, tu peux te rassurer là-dessus. Enfin, je sais pas d'ailleurs s'il y a de quoi paniquer. Hein. Après, voilà, Lucie, c'est pas parce que tu vas kiffer que ça va changer ta sexualité, quoi. C'est ça. Ok, je verrai bien de toute façon. Hein. Voilà. C'est pas ouais. On va accueillir Laura. Laura qui veut réagir. Salut Laura. Salut, comment? Salut l'équipe. Salut. Laura, t'appelles de Dole, c'est ça? Ouais, Dole Jura. Ouais, dans le Jura, t'as 21 ans Laura, et tu te sens concernée par ce qu'a dit Lucille? Ouais, bah écoute, Lucille, salut, je voulais dire que moi je suis lesbienne du coup depuis, ça fait 7 ans, et du coup j'ai entendu ce que tu disais, et je voulais savoir, est-ce que tu t'es posé la question dans la vraie vie, est-ce que t'es attirée par les filles, ou alors c'est juste, parce que tu demandais du coup si c'était bi ou autre chose, tu vois, et je voulais savoir, est-ce que tu t'es déjà posé la question dans la vraie vie si t'étais attirée par une fille ou pas? Alors oui, je me suis déjà posé la question plusieurs fois, après je me suis dit que non, c'était qu'un fantasme. Ouais, et tu te dis pas genre, t'aurais envie d'essayer avec des filles ou juste c'est les vidéos Je sais pas trop en fait, vu que j'ai mon copain, il me comble quand même sexuellement. Plutôt pas mal. Oui. Après, peut-être que si ça se passe mal avec lui, Laura, Laura, là, c'est déjà les questions qu'on a posées à Lucille. Ouais. Parle-nous de toi un peu, Laura. Écoute, c'est parce que, genre, moi, au début, quand j'ai su que j'étais lesbienne, tu vois, genre, j'avais 14 ans, j'étais en vacances avec mon père, et sur la plage, il était en vacances avec son pote, et il matait les meufs sur la plage, et du coup, c'est à ce moment-là, pourtant, j'étais avec un gars, et tu vois, je me suis dit, mais. En fait, je regardais les meufs, pareil, mais pas pour dire « ouais, elles sont bonnes » ou alors « j'aurais envie d'être comme elles ». Non, parce que j'aurais envie d'être avec elles, tu vois. Bah bien sûr. Donc, du coup, c'est toute la différence, justement, dont on a parlé. Oui. C'est-à-dire que toi, tu avais une vraie attirance pour les filles. Ce que Lucille ne sent pas du tout. Non, c'est pas le même délire, quoi. C'est vraiment la différence entre le fantasme et la réalité, quoi. Voilà. Hein, le fantasme, à la base, hein, la définition du fantasme, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas. Oui, enfin, en tout cas, c'est dans sa tête. Après, c'est ça. Voilà, ça peut passer à l'acte un jour, mais même. C'est plus un fantasme, alors. Déjà, et puis, c'est pas parce qu'on passe à l'acte une fois que ça fait de nous. En plus, bien voilà, sûr. Que ce soit. Il n'y a pas de vérité établie. Voilà. C'est bon. Après, vu qu'elle est comblée par son copain, Lucie, du coup, faut que soit elle attend, soit elle demande, je sais pas s'ils sont branchés plan à 3, elle essaie avec une autre fille, ou je sais pas. C'est même pas ça, je crois, Laura. C'est vraiment que Lucie, elle s'est posé la question, est-ce que parce que je regarde ces vidéos-là, ça fait de moi une lesbienne? La réponse est non. Voilà. La réponse est non. Non, je pense pas. Même une bisexuelle. Pour l'instant, en l'occurrence, comme c'est aujourd'hui, non. Et elle a pas à se poser de questions. Mmh. Elle est comme elle est. Elle trouve du plaisir à ça. C'est bien. Il y a rien à nous dire de plus. Et voilà, quoi. Merci beaucoup, Laura, en tout cas, d'avoir appelé pour réagir. C'était cool de t'avoir à l'antenne. Et Lucie, tu reviens quand tu veux. On vous fait des gros bisous. D'accord. Merci, Laura. Marche. Salut les filles. Merci. Salut. Ciao, Lucie. Salut, Laura. Salut, salut. Gros bisous. Salut. Dans un instant, sur Fun Radio. On va parler de quoi, Alice? On va parler de ce qui vous dégoûte pendant l'amour. Apparemment, il y a une personne sur cinq qui serait totalement dégoûtée à l'idée de faire l'amour avec quelqu'un qui ne s'est pas lavé juste avant de faire l'amour, quoi. Tu vois? Dans les quelques heures avant de faire l'amour. Si c'est genre, on se lave le matin, le soir, on peut pas le faire, il faut que tu te laves avant. Oh, c'est chiant. Les obsessionnels. Ouais, on a envie. Des fois ça pue, quoi. Ça dégoûte. Oui, non, mais bien sûr. Bon. On fait pas tout. Voilà. Dites-nous alors. 01 42 48 5000. Appelez-nous pour réagir et on revient avec Offenbach sur Fun Radio. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Quelle est la situation dans laquelle tu t'embrouilles forcément en couple? Ikea, t'es à peu près sûr que c'est le démarrage d'une embrouille entre couples. C'est ça. Quand tu te fais surprendre en train de faire l'amour avec une autre fille, forcément. Là, tu te fais engueuler. Grosse prise de tête que j'ai eu il y a 2-3 jours, c'était quand j'ai fait mon sapin. Je me suis dit, on va faire vert et un peu de marron, et ça va faire le côté diarrhée. Nature boisé. Et elle regarde le caddie, elle fait non, rouge. Et venez chez moi, il est comment le sapin? Rouge. Ouais. Dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah, ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah, bah respect, Sam, mais c'est qui? Bah, c'est toi, Adrien. Ah, cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Fun Radio présente Samedi 15 décembre au Parc des Expos de Montpellier. Retrouvez sur scène Charlotte DeWitt, Coach, Solomon, Laurent Garnier, Dixon, Tell of Us et bien d'autres. Infos et réservations, points de vente habituels. iLoveTechnoEurope.com et funradio.fr. I Love Techno Europe avec Fun Radio. Le son Dance Floor. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook et Instagram. 22h à minuit. 0 42 48 5000. Avec Karel, Alice et Doc. Love and Fun. Sur Fun Radio. Jam. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt pants are turning ugly into Neverland. Yeah, it's mine to take my baseball cap. Une fan sur Fun Radio et on parle de ce qui vous dégoûte quand vous faites l'amour. Il y a des trucs parfois, c'est un peu rédhibitoire. Tu nous as dit, Alice, qu'il y avait une personne sur cinq qui ne voulait pas faire l'amour avec son partenaire à partir du moment où il n'y avait pas eu de douche, quoi. Ouais, c'est ça, une douche récente, tu vois, dans les heures qui ont... Voilà, juste avant de faire l'amour, il faut au moins avoir pris une petite douche pas longtemps avant. Ça tue un peu la spontanéité, quoi, mais bon. Bah ouais, après, franchement, moi, je suis un adepte de la lingette. La lingette... grave. Voilà, je veux dire... Bah, ah, pour Alice aussi, tiens, ça nous fait un putain de point commun, ça, Alice. Mais il faut être propre. Il faut être propre quand même avant d'utiliser la lingette, tu vois. Je veux dire, t'es déjà propre quand même, mais c'est un petit rafraîchissement, quoi. Bien sûr. Alors, dites-nous ce qui vous dégoûte quand vous faites l'amour. Alors là, on parle de voilà de ceux qui se lavent ou qui se lavent pas, et ça peut être complètement autre chose. Ah oui. Genre, tu couches. Moi, ça m'est arrivé. Genre, j'étais avec une nana et tout machin. On se fout à poil et tout machin. On avait les chaussettes et tout. Et puis là, je vois que la nana, elle a des ongles de pied dégueulasses. Putain. Ça peut dégoûter ça. Ah ouais, ça a bloqué de ouf quoi. Ou les poils aussi parfois. Des fois, tu t'y attends pas et waouh. Ouais. Ouais, ah, ça c'est aussi, vrai, hein. c'est ça me rappelle des souvenirs. Non, mais c'est vrai que voilà, il y a parfois trop de poils. Hein, mais tout dépend de ce qu'on aime ou de ce qu'on aime pas. Hein, c'est ça. Ouais. Hein, Doc, du sentiment qu'on a pour l'autre, du désir qu'on a pour l'autre aussi, ça joue beaucoup. Sure. Des fois, tu supportes pas un truc avec une partenaire et puis avec une autre, je sais pas pourquoi, c'est complètement passé. Parce bien que sûr. T'avais beaucoup plus envie, parce qu'elle t'excitait davantage. Ça te dérange, toi, les poils, Doc? Pas du tout, non. Ah, ça te dérange pas, non. Non, bah non. Ah, mais je crois qu'il y a rien qui dérange. On l'appelle le Yeti, Doc, bien sûr. Alors, les odeurs, les poils, tout ça. Tout ce qui est naturel ne me dérange pas. Ah, d'accord, ok. Sympa. Ah, vive les odeurs! Et les poils! Allez, personne ne se lave pendant une semaine. On va faire plaisir à Doc. Partez chez Doki. Corentin est avec nous. Bonsoir, Corentin. Salut Caresse et toute l'équipe, vous allez bien? Salut. On va bien. T'as 19 ans et t'es à Rouen, Corentin. Ouais, c'est ça. D'accord, alors Corentin, vas-y, explique-nous toi, qu'est-ce qui te dégoûte quand tu fais l'amour? Moi, il n'y a pas longtemps en fait, avec une fille, je faisais une sodomie. Ouais. Et une fois que j'ai sorti mon pénis, il était rempli de merde. Oh, ah bah oui, là c'est sûr que ça dégoûte pendant l'amour. Ouais, là. Bon, en même temps, tu vas par là, tu sais à quoi t'attendre. Ouais, mais je savais pas du tout que ça allait arriver comme ça. Ah bah, c'est prendre un risque en allant parler. Oui, on en parlait justement tout à l'heure, Corentin. Ou alors t'exiges un lavement avant. Oui, tu te laves l'anus. Ouais. Non mais voilà, c'est vrai ton histoire, t'es vraiment ressorti avec le truc. Non, c'est vraiment vrai, après il est parti direct aux toilettes. Ah ouais, oh putain, c'est chaud. Et après, t'as plus jamais voulu faire de sodomie, Corentin. C'est ça, moi, ça m'a carrément bloqué. Ah bah ouais, non, mais moi, je comprends. Ouais, ça tu demandes à ta partenaire de faire un lavement, et puis voilà, et puis ça passe tout seul. Et t'es toujours avec elle? Je suis toujours avec elle, ouais. Ah, oui. D'accord, donc plus de sodomie, mais... moi, j'aurais du mal à m'enlever l'image du truc, quoi. Ouais, bon, c'est la nature, hein, c'est pas grave non plus, c'est pas dramatique. Ouais, c'est vrai. C'est quand même ma limite, perso. mais bon, il y a aussi Geoffrey qui est là, 21 ans de Reims. Salut Geoffrey. Salut la team. Salut. Geoffrey, t'as 21 ans, t'es un Rémois. C'est ça. Dans l'Est de la France. Exact. Hein, on fait l'amour. Eh bah oui, bah bien sûr. Bien sûr. T'as eu combien de partenaires sexuels, toi, Geoffrey, à 21 ans? Oh, des centaines. Bien sûr, on a tous eu des centaines de partenaires, mais en vrai... Oh, une bonne dizaine. Alors, ça c'est intéressant, parce que je connais des potes, notamment tu sais les donjons à l'école, hein, c'est ceux qui de la sixième à la troisième, voilà, ils ont toujours eu la réputation de beaux gosses, puis la traîne et tout, ils sont bien entourés, ils ont beaucoup de partenaires, beaucoup de filles avec qui ils sont sortis, et tu leur poses la question, ils sont incapables de redonner tous les prénoms des personnes avec qui ils ont couché. Ça moi ça ne m'arrivera jamais. Hein, je me souviens de tout le monde. Toi tu te souviens de... Non, et si. Tu te souviens pas tous les prénoms? Non, mais ça va, quand si c'est genre une fois, un réveillon. Bah voilà, vois. Donc tu te souviens pas tous les prénoms. Oui, enfin, non, mais toutes les histoires qui ont un peu compté, qui ont un peu duré, ça compte heureux. Au bout de combien de temps? Deux jours? Hein? De combien d'allers-retours? Non, mais on se souvient, quoi. Mais c'est vrai que quand on a beaucoup. Tu te souviens de la tête, au moins. Ah oui, qui évidemment. Sait pas du prénom. Coco du standard. Coco, combien t'as eu de partenaires sexuels, toi, Coco? Partenaires sexuels, alors je pourrais pas te dire parce que j'ai pas compté, mais je sais que pendant une saison d'animation en club de vacances, vers 6 mois, voilà. J'ai niqué 37 meufs. J'ai niqué, hein, j'ai fait l'amour. Il a peut-être pas fait l'amour. Ah. Hein, c'est bon. Ouais, 37. Ouais, 37 petites croix j'avais. 37 petites croix. Il faisait des croix. Ouais. Mais quel bolos. T'entends ça, Geoffrey? Coco faisait des croix. 37 croix, waouh. Ah ouais, t'es impressionné ou pas, Geoffrey? Ah ouais, mais là, carrément, hein, c'est... Mais il faut pas être impressionné. Si. C'est pas une compète. Hein. C'est pas une compétition. Carrel a fait beaucoup mieux que ça. Hein. Mais oui, et puis il fallait voir les cageots aussi. Non, mais bien sûr. Elles étaient bonnes. Elles étaient bonnes. Toi avec Paris Hilton, c'est rien du tout. J'ai eu une aventure avec Paris Hilton. Mais elle est pas au courant. Elle, par contre, elle a oublié mon prénom. C'est sûr. Geoffrey, vas-y, raconte-nous justement si toi, il y a déjà quelque chose qui t'a dégoûté pendant l'amour. Je ferai un petit tour de table tout à l'heure avec l'équipe. Et si t'as dégoûté, moi, toi? Moi, en fait, je suis dégoûté des cunis parce qu'en fait, il y a une drôle d'histoire qui m'est arrivée. Donc, j'avais rencontré en fait une nana sur Tinder et puis on avait passé la soirée ensemble et tout. Et puis derrière, on avait décidé de rentrer chez moi et on a couché ensemble. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je lui ai fait un cunis, j'ai découvert qu'elle était femme fontaine. Du coup, j'en ai pris plein la gueule. Alors, ça t'a dégoûté? Ah putain, ouais. Moi, je trouve ça super. Tu vois, voilà, c'est ça. Propre à chacun. Hein. C'est vraiment. Non, parce que justement, je trouve que c'est génial de voir que tu donnes du plaisir. Oh putain. Ah, éclaboussez-moi. Bon. Éclaboussez-moi. Ah, ça, j'ai l'impression d'être en Bretagne. On est retour. Le crachin breton. Non mais c'est vrai, Geoffrey. Moi, si tu veux, quand je fais l'amour à une fille, j'ai envie qu'elle ait du plaisir. Tu vois, presque plus que moi j'en ai, franchement. Et justement, si la nana elle commence à faire ce qu'on appelle une éjaculation féminine, c'est ça, Doc, hein, ouais, entre autres. Ouais, voilà. Et tu te dis qu'elle a beaucoup de plaisir. La femme fontaine, ça va au-delà de ça quand même. Oui, il y a de l'urine aussi. Voilà, faut le savoir. C'est des litres. Et Karel, oui. Je vais te dire une chose, j'ai été tellement gêné à ce moment-là qu'en fait, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai fait une remarque vraiment drôle. Je lui ai dit, je savais pas qu'il fallait une bouée pour te faire l'amour. Oh putain. Alors, drôle, oui, mais. C'est aux gens de juger si c'est drôle en général. Pour elle. J'ai fait une remarque et là, nous, on dit, ah, c'est drôle ou ah, c'est pas drôle. Mais c'est vrai que. Le pire, c'est qu'elle elle l'a bien pris parce qu'elle a répondu, oui, mais j'ai un parapluie à côté de mon lit. Ah, joli. Non, mais elle le savait qu'elle était femme fontaine. Oui, elle le savait, mais bon, elle ne l'avait pas dit, visiblement. D'accord, mais il n'y a pas besoin de prévenir. Non, enfin, je veux dire, c'est la nature, ça se fait tout seul, voilà, c'est comme ça, bon. Exactement. Moi, c'est toujours un truc que j'ai jamais eu. Hein, tu sais, l'attends, on dirait. Hein. Mais non, mais tu sais. Il la veut, sa douche pour, de mouille. Pour Noël, peut-être pour Noël. Ah, mais j'aimerais être Indiana Jones et découvrir la femme fontaine. Tu vois? Non, mais c'est vrai, j'ai jamais eu une femme fontaine, ça m'est jamais arrivé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que t'as déjà un sacré lasso, Karel. Hein? T'as déjà un sacré lasso? Ah bah, tu me connais bien, hein, Geoffrey. On se connaît. Tu m'as déjà vu? T'as vu ma bite? Ah bah oui. Ah bon? J'ai déjà passé par la Bretagne, donc bon, alors j'ai dû te croiser. Ah bah bien sûr. Là-bas, elle est connue. Elle est connue. Oh, c'est quoi là-bas au loin? La Tabacarel. Allez, qui veut s'agripper? Ah, oui. Geoffrey, reste avec nous. Il y a Valentin qui est là, 25 ans de Lyon. Bonsoir, Valentin. Salut Karel, salut Beth, salut la famille. C'est la famille. Je vous écoute depuis plus de 10 ans. C'est pas vrai. T'en as bien du courage. J'ai toujours écouté Fun Radio. Depuis le collège, j'écoute Fun Radio. Ah, et tu t'es jamais lassé, hein? Ah, jamais. C'est quoi? Au contraire. C'est quoi Fun Radio pour toi alors, Valentin? Moi, je travaille, je suis routier, donc toute la journée, j'écoute Fun Radio. D'accord. Donc dans le camion, c'est ma vie, je m'éclate tous les jours. Un petit coup de klaxon, s'il te plaît. Là, je suis en voiture, là. Un petit coup de klaxon, s'il te plaît. C'est pas grave, je réveille le village. Vas-y, le petit coup de klaxon dans la voiture, là. Ah, voilà. Il a été fait, t'as pas entendu? Non. Ah non. Vas-y. Attends, écoute. Ah, oui. Ah oui, voilà. Alors, Valentin, j'espère que tu ne roules pas. Hein? Non, je ne roule pas, suis à l'arrêt. Bon, tout va bien. Et qu'est-ce qui te dégoûte quand tu fais l'amour? Qu'est-ce qui t'a déjà dégoûté, toi? Moi, c'est juste avec mon ex-femme. Elle m'a posé hier, mon ex-femme. Donc, du coup, elle a demandé le divorce. Donc, bon, voilà. Le seul truc qui me dégoûte, c'est quand elle est allée aux toilettes, elle s'essuie, et quand tu vas pour aller lui faire un cunis, tu vois qu'il y a un petit bout de papier cul, là. Ah! Mais non, ça veut dire que la personne s'est essuyée au moins. Bout de papier. On va espérer qu'il reste rien d'autre. Tu vois le petit bout de papier cul, c'est ça. Mais sinon, le pire, c'est quand elle est en levrette et que tu sens, là, ces petites odeurs de cul qui remontent, là. Dégueulasse, Valentin, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, moi je te dis ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, t'étais en pleine levrette et là tu sens le cul, quoi. Tu sens le. Mais ah, le... une petite odeur de cul, là. Elle est énorme, cette émission, les amis. Il y a une petite odeur de cul qui se dégageait. Hein, je savais pas quoi faire. Du coup, je sentais la merde. Ça me dégoûtait. Hein, c'est un peu ça que tu nous dis, Valentin. C'était dégueulasse. Ça peut couper toute l'envie. Là, pour le coup, un peu d'hygiène, les amis, quoi. T'étais tombé sur un cul sale. Voilà. Et ça peut arriver. Dans l'équipe, Alice, qu'est-ce qui t'a déjà dégoûté, toi? Les odeurs de transpiration. Ou aussi quand la personne transpire tellement et que tu sens, tu sais que le peau à peau, c'est trop dégueu, quoi. Tu vois ce que je veux dire, ça me dégoûte. Et les gens qui reniflent. J'ai déjà couché avec quelqu'un qui, je sais pas, il arrêtait pas de renifler pendant l'amour. Et genre, en missionnaire, j'avais peur qu'il y ait une. Ça coule, quoi. Oh! Non, tu sais, la personne, elle est au-dessus de toi, et puis en même temps, elle fait. Comme ça, tu vois, j'arrive pas à faire le reniflement des mecs comme s'ils vont cracher un molar, comme ça. D'accord. Je sais pas, enfin, Cassim, il arrive à le faire, lui. Ouais, c'est, je sais pas, tu vois. C'est ça. Et tu sens qu'il racle un truc, c'est quoi. C'est immonde. Cassim, arrête. Sinon, on va tous vomir. Bah, tu vois, ça dégoûte tout le monde. Et on pense à Valentin et tous ceux qui nous écoutent là en ce moment. Cassim, un truc qui t'a dégoûté, toi. Ouais, c'est quand tu baises avec une vieille et que t'es, elle a les seins qui tombent et des poils sous les bras. Moi, c'est dégueulasse. Ça y est, casse-toi. Tu m'as saoulé, Cassim. Méloche, le standard. Alors, toi, souviens-toi du jour où t'as fait l'amour, Méloche. Oui, je m'en souviens, Ça fait quand même quelques jours. Ça fait combien de jours, là? Ça 197. On arrive vers les 600, là. Putain, on va fêter les 600 jours. De Méloche sans faire l'amour. Et est-ce que toi, t'as déjà été dégoûtée par un truc? Alors après, moi, c'était pas pendant, c'était après la sodo. En fait, mon copain, il a giqué dans mon cul. Et en fait, pendant toute la journée, j'avais l'impression d'avoir un suppo. Vous savez, les suppos à l'époque, ça a coulé. Bien sûr. Là, c'était pareil. Ah, c'est vrai, voilà. Que ça, c'est dégueu. C'est le même principe. Ah ouais, c'est vrai. C'est dégueulasse. C'est la famille, Méloche. C'est la famille. Mais bien sûr. On partage. Et on retiendra cette phrase de Méloche. Il a giclé dans mon cul. Et toi, Doc, le mystérieux, y a déjà quelque chose qui t'a dégoûté? Toi, t'es sexologue, rien qui dégoûte. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah. Si, quand même, les odeurs de caca, c'est pas. Non, ça, voilà. ça coupe tout ça. Les odeurs de caca. Eh bien, nous allons nous arrêter là-dessus ce soir. Et merci à tout le monde. Valentin, on te fait une grosse bise. On va quand même saluer. Je peux aller, c'est un petit mot? Ouais, vas-y. Est-ce que c'est possible d'avoir un petit pack fun avec un t-shirt dédicacé de tout le monde? Ouais, on va dire ça, ouais, carrément, tu raccroches pas. Geoffrey, Corentin, vous revenez quand vous voulez, les amis. Hein. Ouais, Karel. Ouais. Allez, salut, avec plaisir. Salut Geoffrey et Corentin, on t'écoute. Je fais grosse pensée aux Strasbourgeois. Ah bah oui, carrément. On a vu les infos en plus. Méloche, elle est de Strasbourg et c'est vrai que il s'est passé un drame là-bas. Hein. Ouais, donc grosse pensée à vous tous, les Strasbourgeois et Strasbourgeoises. C'est Dylan qui va terminer cette émission. Dylan, 21 ans de Chinon, qui nous appelle dans son camion. T'es là, mon Dylan? Ouais, je suis là. Ça va, Dylan? Ça va. T'es où là? Là, je suis à Saumur. À Saumur, d'accord. Et t'es en plein transport, là? Non, là, je suis arrêté pour la nuit, là. Je repars demain matin. Eh, bon courage à tous les routiers. Hein. C'est pas un métier facile, hein, franchement. Et Dylan, c'est toi qui vas terminer cette émission. On a envie d'entendre le klaxon de ton 44 tonnes ce soir. Eh ben, ça marche. Mais c'est une sirène, eh. On est les pompiers. Ah ouais. On est sur Dylan. Un pont. Il est routier, mais aussi urgentiste. Il est pompier aussi. Il dépanne, et ça fait plaisir, Dylan. On te souhaite une bonne soirée, mon poteau. Bonne nuit à toi. Merci. Et tu vas pouvoir t'ambiancer avec Party Fun. Faire une dédicace. Ouais, vas-y, Dylan. Alors. Je remercie mon frère de m'avoir monté ce klaxon ce week-end. Je fais un bisou à ma chérie, Manon, à tous ceux qui m'ont reconnu. Et puis voilà. Et après, c'est possible d'avoir un petit cadeau ou pas? Ouais, bien sûr, tu raccroches pas. Tu vas gérer ça avec Coco et Méloche au standard. Merci. Salut mon Dylan. Gros bisous. Salut. On vous embrasse fort, la famille. Salut. Rendez-vous dès demain sur Fun Radio. Adrien Thomas est dans la place. Ouais. Hey. Ça va, Adrien? Super bien. Encore un joli t-shirt. Merci beaucoup. Ouais, merci. On me l'a offert, celui-là, on me l'a offert. D'accord. Et bah, le jour où tu nous offriras un petit t-shirt, on sera vraiment ravis parce que tu as beaucoup de goût. Merci beaucoup, mais tu sais, j'ai pas d'oseille, donc je peux pas vous offrir de t-shirt. Arrête tes conneries. Ah, c'est la fin d'année, les cadeaux de Noël, les impôts, tout ça. C'est vrai. Pas facile. C'est vrai, mais on prend du plaisir tous les soirs. Avec un beau t-shirt. Avec une émission de radio, avec Party Fun, avec l'occasion de mixer dans toute la France, chaque soir pendant une heure, et de parler nouveautés, de faire découvrir des sons que tu aimes. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Ce soir, il y a une reprise de September. Tu sais, tu te rappelles de Earth, Wind & Fire? Ouais, je me souviens. Il y a un DJ qui s'appelle Steph Dacompo, qui est hollandais, qui a repris ce morceau-là, qui a fait un truc version 2018 très club, très cool à écouter ce soir. Donc voilà, je vous dis ça, mais je vous dis aussi le nouveau Don Diablo, par exemple, le nouveau Black Coffee. Enfin voilà, restez dans cette émission parce que même si j'ai un beau t-shirt, j'ai aussi des bons goûts. Eh ben ça fait plaisir. Eh ben merci beaucoup, Adrien Thomas, au mix. Ouais. C'est Party Fun. Jusqu'à 1h du mat. Bonne soirée tout le monde et on se retrouve dès demain, 22h sur Fun Radio. Salut. Ciao. Salut.